France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Pour certains, persifler que Karl Marx n'était après tout qu'un bourgeois, qu'il avait épousé une aristocrate, qu'il couchait avec la bonne et vivait au crochet d'un ami qui, en dépit de ses idées révolutionnaires, était le fils fortuné d'un industriel, devrait suffire à discréditer sa personne, sa pensée, ses écrits et ses actes aux yeux de tous. Et si cela n'est pas assez pour convaincre qu'il est grand temps d'en finir avec le barbu, pour peu que la plus élémentaire des rigueurs intellectuelles ne les embarrasse pas trop, les mêmes seront prêts à lui faire porter, avec Robespierre, le chapeau des morts du goulag et des caves de la Loubianka. Fort heureusement, sur France Culture, où jamais de telles approximations d'intellectuels n'ont eu voix au micro, ou alors pas longtemps, on soupçonne, comme partout, que Karl Marx a été malgré tout l'un des grands penseurs de l'histoire des hommes et qu'on ne peut le congédier, lui et son œuvre relativement conséquente, au motif qu'il aurait mangé salement et mis les doigts dans son nez. Ainsi, en 1965, pour le numéro d'analyse spectrale de l'Occident qu'il consacrait à l'auteur du Capital, Serge Jouet réunissait des compétences plus rigoureuses, et pas toutes marxistes cependant, pour témoigner de la vie et de la pensée de Marx. Parmi ses invités, on pouvait notamment entendre Louis Althusser, marxiste lui, et figure emblématique de la rue d'Ulm pour aggraver son cas, dans la mélancolique biographie duquel les philosophes mainstream n'auront pas eu à chercher bien loin l'aubaine d'une excuse, les soulageant de la lecture d'une prose compliquée. Analyse spectrale de l'Occident, Karl Marx, une émission diffusée la première fois, le 6 mars 1965, sur France Culture. Comme chaque samedi à la même heure, France Culture présente Analyse spectrale de l'Occident. Aujourd'hui, Karl Marx, par Serge Jouet, avec Louis Althusser, Jean Bruat, Jean Fourastier, Maximilien Rubel, Ernest Labrousse, Jean Métron, Jacques Rougerie, Henri Burgelin. Texte de Karl Marx, dit par Michel Etcheverry et Robert Martin. Karl Marx est né en 1818 à Trèves, en Prusse-Rhénane. Il est mort en 1883 à Londres, où il vivait en exil depuis plus de 30 ans. D'origine juive et de famille bourgeoise, il était par sa femme, Jenny von Westphalen, allié à la noblesse. Et son beau-frère fut ministre de l'Intérieur de Prusse en pleine période réactionnaire de 1850 à 1858. Mais c'est dans la pire des misères qu'il vécut pendant plus de 20 ans, traqué par les créanciers, perdant 3 enfants sur 6 et incapable pour gagner de l'argent de faire autre chose qu'écrire des articles pour le New York Tribune. Admirablement soutenu dans cette vie difficile par le courage de sa femme et la présence de ses filles, aidé par le dévouement d'une servante exemplaire, Hélène Demuth, secourut enfin par l'amitié de Frédéric Engels, qui travaillait dans la filature que sa famille d'origine rhénane elle aussi, possédée à Manchester. Après une jeunesse romantique et enthousiaste, poèmes et pièces de théâtre, Marx aurait pu et dû devenir professeur de philosophie. Sa thèse de doctorat comparait le matérialisme d'Épicure à celui de Démocrite. Puis il fréquente les jeunes gens de la gauche hegélienne et entre dans le journalisme politique, d'abord à la Gazette rhénane, puis aux Annales franco-allemandes, à Paris. À Paris, où il rencontre Proudhon et Bakounine et se lie d'amitié avec Henri Heine. Le communisme, il le crée alors en fournissant au prolétariat la doctrine, méthode de pensée et d'action qui lui manquait. La Ligue des Justes existait à Londres. Sa devise était « Tous les hommes sont frères ». Marx déclare qu'il y a une quantité de gens qu'il est heureux de ne pas avoir pour frères. Et sous son impulsion, cette Ligue devient celle des communistes. Sa nouvelle devise est celle que nous connaissons, « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous », mot d'ordre sur lequel s'achève le Manifeste communiste, paru à Londres et en allemand en 1848. Dans la mêlée révolutionnaire, il passe alors presque inaperçu, mais ses formules allaient devenir impérissables et se faire entendre partout. Marx était-il donc un homme d'action? Pas même alors, et bien moins encore par la suite, si l'action c'est se mettre à la tête d'un mouvement qui n'existe que par la personnalité de son chef. Marx est un intellectuel qui travaille en bibliothèque, chaque jour, régulièrement, au British Museum, pour élaborer une œuvre monumentale, Le Capital, restée inachevée et dont un seul livre apparut de son vivant, en 1867. Une œuvre difficile d'économie politique que seuls, dit-on, les spécialistes peuvent comprendre, mais qui contient pourtant bien des pages qui savent rendre émouvantes la lecture des chiffres et des statistiques. Ne s'agit-il pas d'expliquer comment, par le libre jeu de la concurrence et le mécanisme des échanges, les riches deviennent toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres? Il souffre lui-même de la misère et de la solitude. Il le répète souvent. En Angleterre, il vit en étranger. Ce pays l'ignore et Marx l'ignore. Mais il le comprend et il en comprend la politique peut-être mieux que personne. Il est en correspondance constante avec ceux dont La Salle, qui, sur le continent, admire son intelligence et son désintéressement, redoute son jugement et son incorruptibilité, subissent son ascendant, mais s'éloignent souvent de lui, parce qu'ils sont, eux, près, trop près des passions nationales et de l'action d'une classe encore mal instruite de ses véritables intérêts. Pourtant, en 1864, l'occasion est donnée à Marx de jouer un rôle décisif et déterminant dans l'Association internationale des travailleurs, ne serait-ce que par l'élaboration de ses statuts et la rédaction de cette adresse inaugurale qui, à 16 ans d'intervalle, met à l'épreuve les thèses du manifeste communiste. Après la Commune, la santé de Karl Marx s'altère. Il lit, il compile, il accumule notes et brouillons pour l'ouvrage qu'il ne peut terminer. Il acquiert plus de sérénité et laisse à d'autres, à ses gendres, en France, à ceux qui l'écoutent plus ou moins bien, dans la social-démocratie allemande, et, surprise, à ceux qui paraissent mieux l'entendre, dans la Russie tsariste, le soin de poursuivre une action dont il consent à ne pas connaître l'issue. Les deuils assombrissent ces dernières années. La mort de sa femme, celle subite de sa fille Jenny Longuet. Nul homme ne pouvait mourir plus confiant dans l'avenir, puisque le monde ne pourrait plus être après lui ce qu'il était lorsque, dans sa jeunesse, il souffrait de l'injustice sociale qu'il avait sous les yeux, et puisqu'il a consacré sa vie à donner aux victimes de cette injustice les armes plus intellectuelles que matérielles qui leur permettront de la faire disparaître. Au cours de cette émission, qui prend naturellement place à sa date dans l'analyse spectrale de l'Occident, Nous allons demander aux marxologues et aux historiens d'éclairer les différents aspects de cette pensée dont la générosité est faite d'une passion lucide. L'honnêteté de Marx, et pour Marx, c'est le matérialisme. La vertu, c'est la discipline scientifique appliquée à ce que nous appelons aujourd'hui les sciences humaines. Pour être humaine, en effet, elle doit vraiment être efficace et changer l'ordre des choses qui rend à certains la condition humaine intolérable. En un temps où le marxisme est passé largement dans les faits et où il en vient à se mettre lui-même en cause et en question, nous avons dû nous borner, dans le temps dont nous disposions, à revenir aux sources et aux textes d'une époque, celle que Marx a vécue. Mais avant de donner la parole à ceux que nous interrogerons, nous ne voudrions pas ne pas donner ici, maintenant, le portrait révélateur que Marx nous a laissé de lui-même dans les réponses qu'il fit aux questions que ses filles lui avaient posées un jour en manière de jeu. La qualité que vous appréciez le plus? Chez les gens, la simplicité. Chez les hommes, la force. Chez les femmes, la faiblesse. Votre trait caractéristique? L'unité du but. Votre idée du bonheur? La lutte. Le défaut qui vous inspire le plus d'aversion? La servilité. Votre antipathie? Martin Töpper, pasteur contemporain de Marx, auteur d'une philosophie proverbiale. Votre occupation préférée? Bouquiner. Vos poètes préférés? Shakespeare, Eschyle, Goethe. Votre prosateur préféré? Diderot. Votre héros préféré? Spartacus, Kepler. Votre héroïne préférée? Gretchen. Votre fleur préférée? Le laurier. Votre couleur préférée? Le rouge. Votre nom préféré? Laura, Jenny. Ce sont les prénoms de ses filles. Votre maxime préférée? Rien d'humain ne m'est étranger. Votre devise préférée? Doute de tout. Ce qui caractérise le communisme, ce n'est pas l'abolition de toute espèce de propriété, mais l'abolition de la propriété bourgeoise. Or, la propriété bourgeoise moderne, la propriété privée, est l'expression ultime, l'expression la plus parfaite du mode de production et d'appropriation fondé sur des antagonismes de classe, sur l'exploitation des uns par les autres. En ce sens, les communistes peuvent résumer leur théorie par cette seule formule, abolition de la propriété privée. On nous a reproché, à nous autres communistes, de vouloir abolir la propriété acquise par le travail personnel, cette propriété qui, dit-on, forme la base de toute liberté, de toute activité, de toute indépendance personnelle. Quelle est donc cette propriété, fruit de l'effort, du labeur personnel? Voulez-vous parler de la propriété du petit bourgeois, du petit paysan, de celle qui a précédé la propriété bourgeoise? Ce n'est pas à nous de l'abolir. Le progrès de l'industrie l'a abolie et l'abolit jour après jour. Ou bien, parlez-vous de la propriété privée de la bourgeoisie moderne? Mais dites-moi, est-ce que le travail salarié, le travail du prolétaire, crée pour lui une propriété quelconque? En aucune manière. Il crée le capital, c'est-à-dire la propriété qui exploite le travail salarié et qui ne peut s'accroître qu'à la condition de produire un surcroît de travail salarié afin de l'exploiter à nouveau. Dans sa forme actuelle, la propriété évolue dans l'antagonisme du capital et du travail. Considérons les deux côtés de cet antagonisme. Être capitaliste, c'est occuper dans la production non seulement une position personnelle, mais encore une position sociale. Le capital est le produit d'un travail collectif et ne peut être mis en mouvement que par l'activité commune d'un grand nombre de membres de la société, voire, en dernier résultat, de tous ses membres. Par conséquent, le capital n'est pas une puissance personnelle, c'est une puissance sociale. Dès lors, si le capital est transformé en propriété commune, s'il appartient à tous les membres de la société, cela ne signifie pas que la propriété personnelle se transforme en propriété sociale. Seul change le caractère social de la propriété, elle perd son caractère de classe. Nous avons dit que la formation intellectuelle de Marx était philosophique. Certains, pourtant, négligent cette formation philosophique pour ne plus voir en lui qu'un économiste. Estimez-vous, Louis Althusser, que Karl Marx est un philosophe et qu'il a sa place dans l'histoire de la philosophie, aussi bien que dans celle des théories économiques, mais davantage, ses œuvres sociales et politiques vous paraissent-elles avoir été inspirées par ses dispositions philosophiques? Et le vocabulaire qui est le sien, ne reste-t-il pas plus tard ce qu'il a été d'abord, celui d'un homme qui cherche dans le développement de l'histoire des hommes cette fois, une logique inhérente à la nature et à la pensée? Vous posez là une question très importante et pour y répondre, il est nécessaire d'entrer dans quelques détails. En effet, Marx est réputé philosophe et connu comme tel, pour avoir été l'auteur d'un certain nombre d'œuvres de jeunesse, qui sont d'ailleurs groupées dans une édition française sous le titre « œuvres philosophiques », et qu'on distingue le plus souvent de ses œuvres ultérieures, qui sont surtout des œuvres économiques et politiques. Toutefois, nous ne devons pas nous en tenir à l'apparence des titres, nous devons aller voir ce qu'il en est dans l'œuvre elle-même. Et si nous étudions l'œuvre de Marx, nous devons constater effectivement que dans sa jeunesse, en gros jusqu'en 1845, Marx est effectivement un philosophe. Sa pensée se rapporte dans une première période qui va jusqu'en 42 environ, à la pensée de l'idéalisme allemand, kantien ou fichtéen, et ensuite elle épouse la problématique générale de Feuerbach. Pendant toute cette période, Marx peut donc être dit au sens classique philosophe. Il développe une philosophie de l'homme, une philosophie anthropologique, dont il applique les catégories essentielles à l'analyse d'un certain nombre de problèmes concrets, problèmes politiques, problèmes juridiques, et à la fin de sa période de jeunesse, problèmes économiques dans les manuscrits économico-philosophiques de 1844. Si on analyse toute cette œuvre, on s'aperçoit effectivement que les concepts auxquels Marx se réfère sont des concepts qui appartiennent à la grande philosophie classique allemande et dans sa dernière période, en particulier à la forme que lui a donnée Feuerbach. Toutefois, de l'aveu de Marx lui-même, c'est vers 1845 qu'en accord avec Engels, il entreprend de liquider sa conscience philosophique d'autrefois. L'expression est en propre terme dans les textes de Marx. Cette liquidation, nous la trouvons dans un écrit qui s'intitule « L'idéologie allemande » et qui a pour objectif essentiel de mettre un terme critique à la philosophie anthropologique antérieure de Marx. Par conséquent, cette coupure est extrêmement importante pour notre propos, c'est-à-dire qu'elle nous invite à distinguer dans Marx une première période philosophique au sens classique du terme et une seconde période qui n'est plus philosophique dans ce même sens et à propos de laquelle peut se poser la question, est-ce que Marx a été encore philosophe après cette rupture avec la philosophie traditionnelle? Alors, quelle position prenez-vous à cet égard? Est-ce que la rupture est une véritable rupture ou au contraire, est-ce que l'on va trouver dans l'œuvre de Marx une philosophie autre peut-être que celle par laquelle il avait débuté? Eh bien, voyez-vous, je crois qu'on peut grouper les interprétations actuelles sous trois rubriques. Une première interprétation consiste à dire que Marx a d'abord été philosophe et qu'il a ensuite abandonné la philosophie pour se livrer à des travaux d'économie politique. C'est-à-dire, il aurait été philosophe dans sa jeunesse et serait ensuite devenu économiste, abandonnant totalement la pensée philosophique ou les prétentions à une philosophie possible. On peut mettre au service de cette interprétation un certain nombre de textes de l'idéologie allemande qui ont effectivement certaines résonances positivistes et qui peuvent nourrir l'impression que Marx a effectivement abandonné toute prétention philosophique, se livrant purement et simplement à des travaux d'économie positive, c'est-à-dire à des travaux scientifiques uniquement positifs. Une seconde interprétation consiste à dire au contraire que l'œuvre économique de Marx tout entière est animée intérieurement, d'une façon qui n'est pas toujours visible, mais d'autant plus profonde, par sa pensée philosophique de jeunesse. À ce titre-là, certains interprètes ont considéré le Capital comme étant, disons, l'application à l'économie politique de la philosophie anthropologique de la jeunesse de Marx. Au fond, Marx ne se serait jamais départi de son intuition de jeunesse, profondément philosophique, profondément humaniste, profondément anthropologique, et aurait écrit le Capital pour donner corps à ses intuitions philosophiques de jeunesse, c'est-à-dire à sa protestation contre l'inhumanité du monde dans lequel les hommes vivent. Une troisième interprétation, sous laquelle je me rangerai, consisterait au contraire à montrer que Marx a abandonné une certaine forme de réflexion philosophique qu'il a développée pendant sa jeunesse, non pas pour renoncer totalement à la philosophie, mais au contraire pour instaurer une nouvelle forme de philosophie inédite. Marx serait donc à ce titre un penseur remarquable, non seulement en ce qu'il aurait fondé une nouvelle discipline scientifique, ou en tout cas considérablement modifié les bases de cette discipline scientifique, à savoir l'économie politique, ou disons en gros la théorie de l'évolution des sociétés, mais aussi en ce qu'il aurait fondé une nouvelle discipline philosophique reposant sur une problématique toute différente de la problématique de la philosophie classique. Vous venez d'employer le mot de humanisme, et précisément, c'est là peut-être toute la question, car la philosophie de Marx, il faut tout de même bien employer ce mot, est une philosophie où l'homme est considéré dans sa totalité et, j'allais dire, peut-être dans sa nature. Si Marx a fondé une nouvelle philosophie, les termes qu'il emploie, les catégories, sont peut-être toujours un peu les mêmes, prises dans un autre sens. Si nous commencions par un mot, celui de l'aliénation qu'il emprunte à Feuerbach, de telle sorte que nous saurons comme cela ce qu'il entend d'abord par là et surtout s'il a changé le sens de cette expression. Que signifie-t-elle chez Feuerbach? Que signifie-t-elle chez lui? Je vous indique tout de suite la position à laquelle je me réfère. Je pense que le concept d'humanisme, le concept d'aliénation joue un rôle théorique capital dans les œuvres de jeunesse de Marx, et qu'ils disparaissent ensuite, du point de vue théorique, des œuvres de la maturité. Je précise bien qu'il s'agit ici du rôle théorique de ces concepts, c'est-à-dire du rôle que ces concepts occupent dans le système des concepts philosophiques que Marx utilise. En insistant sur l'aspect théorique, sur la portée théorique de ces concepts, je voudrais mettre en évidence que un concept peut avoir une signification pratique sans avoir de signification théorique, c'est-à-dire un concept peut avoir une valeur descriptive, indicative, approximativement indicative. Un concept peut également servir à l'expression d'une certaine révolte, d'un jugement de valeur, de condamnation, par exemple, ou d'un jugement de valeur qui pose un certain objectif comme souhaitable au développement de l'humanité, sans avoir pourtant une valeur théorique. Nous ne disons pas, par exemple, que les mathématiques sont humanistes ou que la physique est humaniste. C'est en ce sens que je dirais que la pensée scientifique et philosophique de Marx de la maturité n'est pas théoriquement une pensée humaniste, bien que il est absolument certain que la préoccupation pratique de l'humanisme soit présente dans toute l'œuvre de Marx, mais elle en est, si vous voulez, plutôt la conséquence que le fondement théorique. Alors, vous avez posé la question du concept d'aliénation. Il est au cœur de ce débat. Le concept d'aliénation, le concept central des œuvres de jeunesse de Marx à partir de 1842. C'est un concept emprunté à Feuerbach, qu'il est facile de résumer, à condition toutefois de se reporter à la problématique générale, c'est-à-dire à l'ensemble des systèmes conceptuels qui constituent la base de la pensée de Feuerbach. Pour Feuerbach, toute l'histoire humaine n'est que le développement de l'essence de l'homme. Et ce développement de l'essence humaine consiste dans la réalisation objective de cette essence, c'est-à-dire dans son extériorisation. Toute activité humaine produit, en quelque sorte, un second monde, l'histoire étant un autre monde que le monde naturel, un monde purement produit par l'homme, purement artificiel, mais en même temps un monde parfaitement réel, est tel que dans les œuvres de l'homme, qu'il s'agisse des œuvres philosophiques, des œuvres religieuses, des objets philosophiques, des objets religieux, de l'œuvre politique, des objets politiques comme l'État, ou bien de l'œuvre économique, comme le dira Marx à la fin de sa période de jeunesse, c'est-à-dire l'économie politique, dans toutes ces œuvres, l'homme n'a jamais affaire qu'à lui-même. C'est-à-dire le monde objectif créé par l'homme est de part en part essentiellement humain, c'est-à-dire qu'il représente la réalisation, l'objectivation de l'essence humaine. Alors, l'aliénation est le rapport particulier dans lequel l'homme se trouve vis-à-vis de ses propres œuvres dans la mesure où il est écrasé par la réalité du monde humain qu'il a créé. C'est-à-dire son propre monde, sa propre essence se présente à lui sous la forme d'une force extérieure complètement étrangère à lui, complètement contradictoire avec l'intériorité de sa propre essence et qui l'écrase. Le projet de Feuerbach consiste donc à rendre à l'homme la possession de ses propres œuvres, c'est-à-dire du monde qu'il a créé dans l'histoire. Voilà, en gros, si vous voulez, dans quel contexte théorique peut se concevoir le concept d'aliénation. Il est évident que toute cette pensée est suspendue à la possibilité de définir une essence humaine qui reste la même des origines à la fin de l'histoire, puisque toute l'histoire n'est que l'histoire de sa réalisation, de son extériorisation. Et chez Marx, il n'y a pas de nature humaine, au même sens. Justement, si vous voulez, je crois qu'on peut saisir l'importance et le sens de la rupture théorique de Marx à partir de 1845, dans l'abandon justement de cette référence à une essence humaine. Donc Marx découvre qu'il est absolument impossible de la définir. Le seul sens que l'essence humaine peut avoir pour Marx est un sens historique, c'est-à-dire que Marx ne peut pas placer l'essence humaine aussi bien à l'origine qu'à la fin de l'histoire, ni à chacun des moments de son développement. Mais Marx considère que ce qui caractérise les pouvoirs effectifs de l'homme à une époque déterminée est fonction non pas d'une essence de l'homme, mais des conditions dans lesquelles se déroule l'activité humaine. Si vous voulez, pour prendre un texte qui est un des derniers textes que Marx ait rédigé, les notes sur Wagner, et qui date de 1883, donc une année avant sa mort, Marx écrit ceci: « Ma méthode analytique ne part pas de l'homme, mais de la période sociale économiquement donnée. » Autrement dit, l'idée profonde de Marx, c'est que... pour pénétrer ce qui peut constituer à un moment déterminé ce qu'on peut appeler, sous bien des réserves, l'essence de l'homme, il faut passer par le détour de la structure qui constitue l'essence même d'une formation économique donnée à un moment historique donné. Autrement dit, il n'y a pas d'accès direct de l'homme à l'homme, il n'y a pas d'accès direct de la réflexion philosophique à l'homme. L'accès de la réflexion philosophique à l'homme passe nécessairement par l'étude de la structure d'une période historique donnée. La présence de l'histoire se trouve aussi bien chez Feuerbach, vous l'avez dit, parmi les modes d'aliénation, que chez Hegel. La différence, alors, si je vous suis bien, provient de ce que la position de Marx n'est plus idéaliste, mais matérialiste. Et alors, maintenant, nous voici en présence d'un mot nouveau qu'il nous faut définir. Oui, ce que vous me demandez, en somme, c'est d'indiquer quelles peuvent être les références théoriques fondamentales de la nouvelle philosophie que Marx aurait fondé, si la thèse que je présente ici a quelques fondements. Eh bien, je crois que, pour l'entendre, il faut prendre une précaution préalable. Marx n'a jamais écrit de traité de philosophie. Marx a souvent pensé et consacré quelques périodes de sa vie à la rédaction d'un ouvrage dont il avait donné le titre et qui aurait été consacré à la dialectique. Mais nous n'avons malheureusement pas cet ouvrage. Ce qui fait que la philosophie de Marx, nous devons la chercher dans ses œuvres non proprement philosophiques. C'est-à-dire, nous devons essayer de dégager la philosophie de Marx du monde des pensées de Marx et de la systématique de ses propres pensées appliquées à l'étude de la société capitaliste, puisque l'essentiel de son œuvre est consacré à l'étude de systèmes du mode de production capitaliste. Alors, bien sûr, nous avons un certain nombre de textes qui nous donnent des indications, en particulier les thèses sur Feuerbach, en particulier un certain nombre de textes dans l'idéologie allemande, dans la postface à la seconde édition allemande du Capital, mais nous n'avons pas un exposé systématique en clair de sa philosophie. Alors, si nous essayons de comprendre quel peut être son noyau, en tenant compte de toutes ces indications à la fois négatives et positives, en tenant compte de la nature même de la philosophie avec laquelle il a rompu, nous arrivons à une conception toute différente de la conception de la philosophie antérieure. En gros, si vous voulez, c'est une conception philosophique qui se représente le rapport des hommes à leur monde, aussi bien le rapport de la production de leur monde historique que le rapport de production de leur connaissance comme un rapport pratique. C'est là que le concept de pratique intervient, joue un rôle absolument fondamental. Si vous voulez, à titre de référence mais nous n'y trouvons qu'une indication. On peut se reporter ici au début de la première thèse sur Feuerbach. Le principal défaut de tout le matérialisme passé, dit Marx, est que l'objet, la réalité, le monde sensible n'y sont saisis que sous la forme d'objet ou d'intuition, mais non en tant qu'activité humaine concrète, en tant que pratique. Il s'agit là d'une thèse qui concerne, on le voit, à la fois la conception de l'histoire et aussi la conception de la philosophie, c'est-à-dire la conception de la connaissance en l'espèce. La connaissance n'apparaît plus simplement comme le reflet immédiat ou le contact immédiat avec un objet donné, un contact qui serait purement intuitif, purement réflexif, purement passif. Et la connaissance apparaît comme une pratique, c'est-à-dire comme une véritable production réelle qui, formellement, sous ce rapport, ne se distingue pas des autres formes dans lesquelles les hommes produisent leurs conditions d'existence, aussi bien leurs pratiques économiques que leurs pratiques politiques. De telle sorte que le mouvement qui explique la rationalité de l'histoire est sans doute la dialectique, et ce terme, emprunté à Hegel, quel sens prend-il maintenant chez Marx ? Eh bien, ce terme est effectivement emprunté à Hegel, mais il est bien connu aussi que Marx, tout en déclarant qu'il avait emprunté à Hegel sa dialectique, a de très nombreuses reprises déclaré qu'il en avait complètement changé le sens. Quelle signification est-ce que cette expression peut posséder ? Plusieurs significations. Je voudrais seulement insister sur, enfin, deux significations essentielles. La première, c'est que Marx déclare idéaliste la dialectique hegelienne, en ce sens que pour lui, pour Hegel, disons, la dialectique est essentiellement une dialectique de la conscience ou une dialectique du concept entendu comme ce qui structure l'ensemble de la réalité dès les origines et qui se développe par son propre mouvement interne. Pour Marx, le concept appartient à l'ordre de la connaissance et il ne fait jamais que exprimer dans son ordre la réalité extérieure qu'il a pour charge de porter jusqu'à la connaissance. Tel est le premier point, c'est le thème du fameux renversement, qui n'est pas à proprement parler un renversement, mais qui est en vérité l'instauration d'un nouvel ordre théorique, d'un ordre scientifique dans un domaine qui jusque-là était encore dominé par la spéculation. La seconde signification que comportent les réserves de Marx par rapport à la dialectique hegelienne vont peut-être encore plus loin. Elles mettent en cause, dans leur principe, la structure même de la plupart des figures de la dialectique ou des concepts dans lesquels la dialectique est pensée par Hegel. Et là, c'est certainement un travail qui est loin d'être épuisé, mais qui commence à solliciter notre attention. Et il est certain que Marx s'est rapporté à Hegel, que Marx a cherché chez Hegel une inspiration profonde selon laquelle le mouvement de l'histoire pouvait être conçu comme un processus en développement et que Hegel est effectivement le premier qui ait tenté de donner une première définition, une première formulation de ce que peut être un processus de développement, le processus de développement d'une totalité concrète comme une société. Ce qui nous importe, c'est de savoir si Marx n'a pas ajouté, n'a pas plus exactement remplacé un certain nombre des figures dans lesquelles Hegel pensait la dialectique de ce processus par des figures nouvelles. Et si vous voulez, je dirais très schématiquement que l'attitude de Marx par rapport à la dialectique hegelienne peut être résumée dans une formulation de cet ordre. Au fond, ce que Marx refuse à la dialectique hegelienne, c'est, disons, la signification spéculative ou, pour parler plus simplement, religieuse qu'elle a encore chez Hegel. Au fond, pour Hegel, le cours des choses, le développement du monde est soumis à une nécessité qui est définie avant même d'être étudiée. Alors que Marx considère que si les choses sont habitées par une nécessité profonde, si le cours de l'histoire humaine était soumis à une nécessité profonde, il n'est pas possible d'anticiper cette nécessité sans l'étudier. C'est dans ce sens que la pensée de Marx, contrairement à la philosophie de Hegel, peut être définie par un souci d'esprit scientifique qui est certainement très profond chez lui et qui fait de Marx notre contemporain. Dans la production sociale de leur existence, les hommes nouent des rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté. Ces rapports de production correspondent à un degré donné du développement de leurs forces productives matérielles. L'ensemble de ces rapports forme la structure économique de la société, la fondation réelle sur laquelle s'élève un édifice juridique et politique, et à quoi répondent des formes déterminées de la conscience sociale. Le mode de production de la vie matérielle domine en général le développement de la vie sociale, politique et intellectuelle. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, c'est au contraire leur existence sociale qui détermine leur conscience. À un certain degré de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en collision avec les rapports de production existants ou avec les rapports de propriété au sein desquels elles s'est émue jusqu'alors et qui n'en sont que l'expression juridique. Hier encore forme de développement des forces productives, ces conditions se changent en de lourdes entraves. Alors commence une ère de révolution sociale. Le changement dans les fondations économiques s'accompagne d'un bouleversement plus ou moins rapide dans tout cet énorme édifice. Quand on considère ces bouleversements, il faut toujours distinguer deux ordres de choses. Il y a le bouleversement matériel des conditions de production économique. On doit le constater dans l'esprit de rigueur des sciences naturelles. Mais il y a aussi les formes juridiques, politiques, religieuses, artistiques, philosophiques, bref, les formes idéologiques dans lesquelles les hommes prennent conscience de ce conflit et le poussent jusqu'au bout. On ne juge pas un individu sur l'idée qu'il a de lui-même. On ne juge pas une époque de révolution d'après la conscience qu'elle a d'elle-même. Cette conscience s'expliquera plutôt par les contrariétés de la vie matérielle, par le conflit qui oppose les forces productives sociales et les rapports de production. Jamais une société n'expire avant que soient développées toutes les forces productives qu'elle est assez large pour contenir. Jamais des rapports supérieurs de production ne se mettent en place avant que les conditions matérielles de leur existence se soient écloses dans le sein même de la vieille société. C'est pourquoi l'humanité ne se propose jamais que les tâches qu'elle peut remplir. À mieux considérer les choses, on verra toujours que la tâche surgit là où les conditions matérielles de sa réalisation sont déjà formées ou sont en voie de se créer. Réduits à leurs grandes lignes, les modes de production asiatiques, antiques, féodales et bourgeois modernes apparaissent comme des époques progressives de la formation économique de la société. Les rapports de production bourgeois sont la dernière forme antagonique du progrès social de la production. Il n'est pas question ici d'un antagonisme individuel. Nous l'entendons bien plutôt comme le produit des conditions sociales de l'existence des individus. Mais les forces productives qui se développent au sein de la société bourgeoise créent, dans le même temps, les conditions matérielles propres à résoudre cet antagonisme. Ce n'est sans doute pas par hasard que l'économie politique est née en Angleterre et en Écosse, au XVIIIe siècle. Plutôt que sur le continent, les cadres sociaux de la féodalité ont été ébranlés par le développement d'une richesse essentiellement due dans l'île au commerce qui l'a fait vivre. Ce n'est sans doute pas non plus par hasard, j'imagine, que ce soit précisément au commerce et au commerce plus qu'à l'agriculture et à l'industrie, alors très peu développée, que soit donné dans l'ouvrage d'Adam Smith, « Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations » paru en 1775, l'avantage dans la détermination de la valeur d'une marchandise. Avantage que les physiocrates attribueront en France à l'agriculture et que Marx, plus tard, attribuera à la production industrielle. Donc, chez Adam Smith, cette détermination se fait sur le marché où joue la loi de l'offre et de la demande, loi aussi naturelle que raisonnable, qui deviendra providentielle chez Bastiat. Certes, Adam Smith n'ignore pas du tout le rôle que le travail peut jouer dans la détermination du prix d'une marchandise. Mais, paradoxalement par rapport à Marx, il ne jouerait ce rôle que dans les sociétés que nous appelons aujourd'hui primitives, le civilisé, c'est l'homo economicus, et qui cherche à obtenir le plus de satisfaction avec le moins de peine. Et c'est sur cette psychologie abstraite et intemporelle que que s'appuie une œuvre classique dont Marx ne cesse de faire la critique. Il est vrai qu'après Smith, les choses commencent à se gâter, et que sur des bases analogues, mais en attribuant au travail une part beaucoup plus grande dans la détermination du prix de la marchandise, Ricardo, deux générations plus tard, devient, lui, pessimiste. Ricardo meurt pourtant 2 ans avant la première crise économique caractérisée que connaît le capitalisme, celle de 1825. Puis, Marx, en substituant délibérément à la valeur utilité, la valeur travail, justifie le pessimisme de Ricardo lorsque le système économique et le capitalisme libéral et explique par lui les crises et le chômage qui disparaîtraient dans le monde communiste. J'ai bien sûr beaucoup simplifié les choses, mais êtes-vous d'accord, Jean Bruat, avec ce schéma, et pour limiter ici le débat qui s'établira avec Jean Fourastier, demandons-nous comment la plus-value, c'est-à-dire finalement le bénéfice que fait le patron sur le travail qu'il paie à l'ouvrier, est ou peut-être la seule raison du désordre social. Pour l'essentiel, je suis d'accord avec votre présentation. J'ajouterai cependant quelques précisions. D'abord, du point de vue historique, il est incontestable que Karl Marx doit énormément aux économistes qui l'ont précédé, non pas seulement à Adam Smith et à Ricardo, mais aussi aux physiocrates, ce qu'on appelle la dernière partie du Capital, et qui a été traduite en France sous le nom d'Histoire des doctrines économiques, n'est en fait que le bilan critique fait par Marx de ses prédécesseurs. Qu'est-ce qu'il doit à ses prédécesseurs et qu'est-ce qu'il a apporté en plus? C'est là, je crois, la question fondamentale. Qu'est-ce qu'il doit à ses prédécesseurs? Il doit précisément cette notion de valeur dont vous avez parlé. Je ne reviens pas sur la distinction classique valeur d'usage, valeur d'échange. Il est bien évident que le débat tourne autour de la notion de valeur d'échange. Et Marx doit aux économistes classiques cette définition de la valeur d'échange comme le temps de travail socialement nécessaire à la production d'une marchandise. Et pour Marx, cette définition ne se confond pas avec le mécanisme des prix, car il estime que les prix oscillent. On le constate, il l'a constaté. Mais les prix oscillent autour d'un axe. Et cet axe est précisément la valeur de la marchandise conçue comme le temps de travail socialement nécessaire à sa production. Mais là où Marx a apporté quelque chose qui, à mon sens, est fondamentalement nouveau, c'est précisément la notion de plus-value. Car un problème se pose aux économistes. Comment se fait-il que un producteur de marchandises, propriétaire des moyens de production, réalise dans le processus de production un bénéfice? Pour Marx, l'explication, on peut évidemment en discuter, nous en discuterons tout à l'heure avec M. Fourastier, mais l'explication est la suivante. Le propriétaire de moyens de production trouve sur le marché une marchandise d'un type particulier qui est précisément la force de travail de l'homme. Cette force de travail de l'homme a un caractère spécifique. C'est de produire plus de valeur qu'il lui en faut pour récupérer le temps perdu. Et c'est là précisément ce que Marx appelle la plus-value. Évidemment, il ne s'agit pas de calculer ce qu'est la plus-value, mais il s'agit d'une explication du bénéfice qui est réalisé dans le processus de production. En bref, et je schématise, pour Marx, l'ouvrier a une journée de travail qui se divise en deux. Durant une première partie de son travail, il récupère la force qu'il a perdue. Et dans la deuxième partie, c'est le travail gratuit, le travail supplémentaire, c'est la source de la plus-value. Il est bien évident qu'il ne faut en aucun cas simplifier cette doctrine et que les besoins de l'homme étant, et c'est l'expression de Marx, essentiellement historique, ces besoins s'accroissent, ils évoluent, ils se différencient avec le temps. Donc la notion de temps obligatoire dans le processus de production varie évidemment sur les conditions historiques. D'autre part, il y a à propos de la plus-value une distinction fondamentale qui est faite par Marx et qui m'apparaît essentielle, surtout dans le monde moderne. C'est la plus-value absolue et la plus-value relative. La plus-value absolue se définit par l'augmentation de la durée de la journée de travail. Effectivement, au temps où Marx vivait et au temps où il réfléchissait, c'est surtout vers l'augmentation de la plus-value absolue que s'orientaient les propriétaires de moyens de production. Mais il est arrivé un moment où il a été impossible d'imaginer, faute de tuer ce que j'appellerais la machine à produire de la plus-value, d'accroître la plus-value absolue. Dès lors, ce qu'on a réduit précisément par la productivité, c'est le temps nécessaire pour l'ouvrier de récupérer sa force de travail par la plus-value relative, d'où l'augmentation de la productivité. Autrement dit, si je conclue sur ce point, et ce qui apparaît fondamental, c'est que pour Marx, il ne peut pas saisir le bénéfice, le profit dans l'acte commercial. Il ne le saisit et il ne peut le saisir que dans l'acte de la production. Et c'est, je crois, là, au fond, ce qui demeure fondamental dans la pensée de Marx. Jean Fourastier. Je voudrais commencer par dire ce que je crois que les économistes d'aujourd'hui doivent à Marx, et que, en tout cas pour ma part, je sens très fortement comme un enseignement qui nous vient de Marx. Alors c'est relativement beaucoup plus général, n'est-ce pas ? Eh bien, il y a d'abord la notion d'évolution, n'est-ce pas ? Marx nous a appris que nous avions affaire à un monde en évolution, et donc que nous avions aussi affaire à une économie en évolution. Eh bien, je crois que c'est une chose extrêmement importante. Le deuxième enseignement, je crois, que nous lui devons, c'est l'appréciation correcte de l'importance des faits économiques. Jusqu'à Marx, l'économie politique était d'abord une très petite chose, et puis ensuite, personne ne la plaçait à son rang parmi les problèmes humains. C'est-à-dire que Karl Marx nous a montré, par exemple, le rapport extrêmement fort qui existe entre la vie de l'homme, mais la vie intellectuelle, la vie sociale, la vie familiale de l'homme et les problèmes économiques. Jusque-là, n'est-ce pas, on avait l'air de traiter l'économie comme un détail par rapport aux problèmes humains. Et lui nous a montré que c'est un détail qui change tout, pour reprendre une réclame que vous connaissez bien. En effet, la notion de liberté ne peut pas être la même pour un homme très pauvre et pour un homme riche. Eh bien, Karl Marx nous a dit des choses comme ça, et ce sont des enseignements prodigieux. Enfin, c'est la mise à sa place du phénomène économique qui n'avait jamais été mis à sa place jusqu'alors. Un autre enseignement, enfin, qui me paraît fondamental et qui me paraît non seulement encore valable aujourd'hui, mais enfin devoir valoir longtemps encore, peut-être autant de temps que l'humanité vivra, eh bien, c'est que l'homme peut changer son cadre et ses conditions de vie. Jusqu'à Karl Marx, en somme, on acceptait le cadre de vie. On acceptait la société, en gros, telle qu'elle était, et on acceptait la production, on acceptait la consommation, on acceptait la rareté, on acceptait les famines comme quelque chose sur lequel l'homme ne pouvait rien, et tout l'effort de l'homme était de s'accommoder de ces conditions, mais considérer elles comme intangibles ou comme fixes. Et Karl Marx est venu nous dire, eh bien, l'homme peut modifier le réel. Il n'a pas seulement à s'accommoder du réel, il a à changer le réel. Alors, l'acte économique, c'est de transformer la nature. Alors, voilà des enseignements prodigieux. Un autre domaine très important, Karl Marx nous a appris des choses, eh bien, c'est que les faits sociaux peuvent être l'objet de science. Bien entendu, vous avez parlé des prédécesseurs de Marx tout à l'heure, mais leurs explications des phénomènes économiques et sociaux étaient avant tout cérébrales, idéaliste, si je puis dire, faisait appel à des principes vagues, compliqués, et n'était pas du domaine vraiment de la science expérimentale, enfin de la science d'observation. Karl Marx nous a dit que nous devions essayer et que nous devions réussir à expliquer le réel par le réel. Voilà un très gros effort qu'il nous demande de faire et qui est effectivement fécond. Alors, dans l'ordre économique, je n'en finirai pas d'exposer aussi tout ce que nous lui devons. D'abord, ce que je viens de dire tout à l'heure, que la production, c'est la transformation de la nature. Jusqu'alors, on ne savait pas ce que c'était que la production. Eh bien, on voit maintenant ce que c'est transformer la nature pour la rendre consommable. Et alors là, j'ajouterais, c'est vrai aussi pour les services. Les services, production de services, c'est une transformation de l'homme pour le rendre plus utile à l'homme. Alors là, c'est tout de même un point sur lequel je m'écarte du Marx classique, c'est que lui n'accorde pas assez d'importance à la production de services. Moi, je lui accorde une énorme importance, n'est-ce pas ? C'est ça que nous appelons maintenant le tertiaire. Nous voyons le tertiaire envahir la vie économique. Oui, ces analyses, n'est-ce pas, qui sont postérieures à Marx, qui consistent à montrer que le progrès n'est pas le même dans les différents secteurs, et maintenant nous sommes habitués à parler du secteur primaire, secondaire et tertiaire, doivent beaucoup éclairer. Je pense à cette discussion véritablement peu vaine sur le travail productif et improductif. Il y a des termes extraordinaires. Et en particulier, vous parlez de cette abstraction, le mot economicus. L'on voit cette espèce d'hostilité chez Adam Smith à l'égard de ceux qui ne sont pas, au fond, de purs et simples commerçants. Et il place parmi ceux dont le travail est improductif, à la fois, et c'est ça qui est extrêmement drôle, les avocats, les prêtres, mais aussi les savants et les comédiens. Et on ne sait pas exactement ce qu'en pense alors Marx. Et je suppose que précisément ces analyses dont vous parlez nous ont habitués à mieux serrer les questions et à mieux les comprendre. La notion de travail sur laquelle vient d'insister M. Fourasquier est évidemment au centre de la pensée de Karl Marx. Mais je voudrais faire une observation fondamentale, et je rejoins d'ailleurs le premier point qu'a soulevé M. Fourasquier, c'est que Marx se place toujours à un point de vue historique. Oui. Il n'y a pas pour lui de travail en soi. Il n'y a pas pour lui de production en soi. Nécessairement, le travail et la production impliquent un contact homme-nature, mais impliquent également des relations entre les hommes à propos précisément de leur lutte contre la nature. Et ce qui apparaît avec le régime capitaliste, c'est un type nouveau de rapport entre les hommes, défini par le fait qu'il y a un groupe d'hommes qui détient la production, la propriété des moyens de production modernes, et j'insiste sur le mot moderne parce qu'il est fondamental chez Marx, et autre part une masse d'hommes qui a été privée, lors de l'accumulation primitive du capital, de la propriété des moyens de production. Et toujours du point de vue historique, Marx distingue aussi, dans la notion de travail, le travail primaire, le travail simple et le travail complexe. Et il est certain que, avec l'évolution du capitalisme, postérieurement à la mort de Marx, postérieurement à 1883, le travail complexe n'a pas cessé de se différencier, de se développer. Et au fond, je me demande, M. Fourasquier, dans quelle mesure votre concept de secteur tertiaire ne se rattache pas à une analyse fondamentale de Marx, qui est précisément celle du travail complexe. Car ce que vous appelez le secteur tertiaire, ce qu'on appelle généralement des services, ce sont évidemment des choses extrêmement complexes. Car au fond, je crois que vous l'avez fait vous-même remarquer, dans des sociétés en voie de développement, le secteur tertiaire est considérablement développé. Dans la mesure où la domesticité entre dans le secteur tertiaire, c'est, je crois, dans un pays comme l'Inde à l'heure actuelle que nous avons la plus forte proportion de ce secteur tertiaire qui n'a rien à voir avec l'évolution d'une société moderne. Donc je crois que dans la notion de travail complexe sur laquelle a beaucoup insisté Marx, il y a l'origine de ce que vous appelez le secteur tertiaire et ce qu'on appelle les services. Étant bien entendu qu'entre marxistes d'ailleurs, la discussion continue pour savoir quelle est exactement la nature des services. Vous savez que les économistes soviétiques ne font pas entrer, n'est-ce pas, les services dans leurs calculs statistiques. Et au fond, nous sommes nous-mêmes, entre marxistes, en train de discuter sur la place de certaines catégories du secteur tertiaire. Doivent-elles être attachées directement à l'acte de production ou considérées simplement comme des bénéficiaires à un second degré de la plus-value globale? Mais je crois que cette notion de travail complexe est peut-être à l'origine de cette notion de service et de secteur tertiaire sur laquelle vous avez justement attiré notre attention. Eh bien, pour ma part, je le crois, en effet. Mais alors, vous venez de reparler de la plus-value. Alors, sur ce point, je vais dire que moi, je n'ai jamais compris la théorie de la plus-value de Marx. Il faut dire, n'est-ce pas, que je n'ai jamais lu Marx en entier. C'est un véritable métier que de connaître Marx. Et je crois qu'il faut en prévenir nos auditeurs, c'est que, en somme, il s'agit d'un nombre de pages considérables. La marxologie est une science propre, eh oui. Ce qui manque l'importance de son objet. Alors, moi, vous voyez, je connais Marx un peu comme des images d'Épinal. Votre œuvre, comme des mantes que vous l'avez fréquente. Ah ben voilà, j'ai été imprégné, impressionné par lui, enfin, bon. Mais je suis loin d'avoir lu toute son œuvre, et en particulier pour la plus-value, je ne suis jamais arrivé à comprendre exactement ce que voulait dire Marx. Parce que pour moi, les choses sont à la fois très voisines de ce qu'il dit, n'est-ce pas? Je suis tout à fait d'accord pour enfin savoir, enfin, il ne s'agit pas de croire, enfin, nous savons tous qu'il existe des profits, nous savons tous que ces profits ont une importance très sérieuse dans la vie économique, nous savons tous qu'ils commandent l'investissement, qu'ils commandent aussi, enfin, la richesse, la division, l'injustice, n'est-ce pas, entre les hommes. Alors, donc, si vous voulez, j'ai en commun avec Marx une très grande partie de sa théorie des profits. Mais sur le mécanisme, alors, je ne comprends pas très bien ce qu'il veut dire, parce que pour moi, le bénéfice se réalise seulement au moment où le propriétaire revend la marchandise qu'il possède. Si il la vend plus cher que le prix de revient, il fait un bénéfice. Et c'est très clair pour moi que dans un très grand nombre de cas, il y a effectivement bénéfice parce que la marchandise est suffisamment rare pour qu'elle soit achetée par les salariés plus cher que le prix de revient. D'abord, personne ne le connaît, le prix de revient, n'est-ce pas? Le prix de revient, c'est un état comptable que connaît le producteur, que connaît le chef d'entreprise, et même seulement avec une certaine approximation d'ailleurs. Mais en tout cas, le public ne connaît pas le prix de revient. Dans l'ensemble, je vois très bien que les gens qui achètent toujours et ne vendent jamais, eh bien, ils font toujours des pertes. Et ceux qui vendent beaucoup et qui achètent peu, eh bien, font globalement des bénéfices. Alors voilà d'où vient, à mon avis, le bénéfice, c'est que, n'est-ce pas, il y a toujours un écart qui, dans l'ensemble, est positif, mais pas toujours, mais qui, dans l'ensemble, est positif entre prix de vente et prix de revient. Alors vous voyez, là-dessus, je diffère assez gravement, si vous voulez, de la théorie de la plus-value, ou plus exactement, je ne la comprends pas. Je crois donc que le bénéfice se forme au moment de la vente. Mais alors, il y a un autre point très important sur lequel je suis à la fois en accord avec Marx et puis, disons, en désaccord. C'est justement celle dont vous avez parlé tout à l'heure, de la valeur travail. Alors, tous ceux qui ont lu mes livres savent combien j'ai vérifié la réalité de cette notion de valeur travail. Je crois en effet, n'est-ce pas, que ce qui fait que cette paire de lunettes vaut, par exemple, 10 fois moins cher que cette montre, eh bien, c'est parce que dans cette montre, il y a en gros 10 fois plus de travail humain incorporé que dans ces lunettes. Et vous reconnaissez, en étant d'accord avec cette définition de la valeur travail, que malgré tout, vous ne pouvez pas la chiffrer. Ah, si. Si, parce que moi, justement, alors là, c'est là voilà. Que je diffère de Marx, c'est que cette valeur travail, je la vérifie. Moi, j'adhère à la théorie de la valeur travail parce que je la vérifie par le prix. Et par le prix, ce que j'appelle le prix réel, c'est-à-dire la relation entre le prix et le salaire. Et alors, pour éliminer ces variations de court terme dont vous parliez tout à l'heure, n'est-ce pas? Eh bien, je raisonne en très long terme. Oui. Et alors, je constate, justement, la grosse influence du progrès technique. Alors, ce à quoi je veux en venir, c'est que finalement, je ne vois pas comment Karl Marx concilie la théorie de la valeur travail à laquelle j'adhère, avec la théorie de la paupérisation, à laquelle je n'adhère pas. Parce que, pour moi, la conclusion nécessaire de la valeur travail, c'est qu'en période de progrès technique, la valeur travail diminue. Par exemple, pour produire 100 kilos de blé, autrefois, il fallait 200 heures de travail. Maintenant, avec les techniques modernes, il n'en faut plus en France qu'une moyenne de 15 ou 16. Le résultat que je vérifie, mais expérimentalement, c'est que le prix du blé, il y a 150 ans, était de 200 heures de travail, 200 salaires horaires pour payer un quintal de blé. C'est-à-dire qu'il fallait qu'un manœuvre, pour acheter 100 kilos de blé, donne 200 heures de son salaire en moyenne. Et maintenant, il n'a plus à en donner que 16 ou 17. Alors, ceci est à la fois pour moi une vérification très remarquable de la théorie de la valeur travail. Il y a moins de travail incorporé aujourd'hui dans le blé qu'autrefois. Donc le blé vaut moins cher, mais je le vérifie expérimentalement, c'est son prix qui est moins élevé par rapport au salaire. Mais alors en même temps, ceci me permet de dire qu'il n'y a pas paupérisation. Du moment qu'il y a baisse de la valeur travail, eh bien, il y a élévation du niveau de vie. Alors là, voilà encore une chose que je ne comprends pas dans Karl Marx, c'est comment il n'a pas déduit de la théorie de la valeur travail une théorie de l'élévation du niveau de vie et par conséquent de l'évolution du capitalisme. Tout à l'heure, Monsieur Bruat, vous avez parlé, à bon droit, je crois, de l'évolution du capitalisme. Mais il semble que Karl Marx n'ait pas vu l'évolution. Or, à mon avis, elle était contenue dans la notion de la valeur travail à partir du moment où on introduisait la notion de progrès technique. Et ce que vous appelez justement vos calculs expérimentaux, et qui sont extrêmement précis, se rattachent, tout au moins en ce qui me concerne, à la notion de plus-value relative. Car précisément, c'est le temps de travail nécessaire qui est diminué par l'augmentation de la plus-value relative. Et alors, ce qu'il y a d'important pour Marx, c'est qu'il a parfaitement saisi l'évolution du capitalisme et qu'il voit le moteur de cette évolution dans le passage de la plus-value absolue à la plus-value relative. Mais si je vais au fond du problème, je crois que ce qui nous sépare, Monsieur Fourastier, c'est la source de ce que nous appellerons peut-être d'un point de vue moral injustice, mais ce que d'un point de vue scientifique, nous pouvons appeler, je crois que nous serons d'accord, l'exploitation ouvrière. Pour vous, Monsieur Fourastier, les salariés, vous les considérez essentiellement comme une masse de consommateurs. Et vous estimez que c'est précisément au moment où ils achètent les produits qu'ils sont victimes du bénéfice, c'est-à-dire qu'ils sont victimes d'une certaine exploitation. Or, Marx considère que le salarié est à la fois un consommateur, c'est exact, mais aussi un vendeur. Et un vendeur de quoi ? Un vendeur de sa force de travail. Et que là où l'exploitation surgit, c'est au moment où, précisément, il loue sa force de travail. C'est là, je crois, ce qui nous sépare fondamentalement, c'est le point qui est précisément celui qui définit l'exploitation ouvrière. Pour vous, c'est sur le plan de la consommation, pour nous, c'est sur le plan de la production. Car s'il est quelquefois difficile, et je comprends très bien, de saisir la pensée de Marx sur la plus-value, ce qui m'apparaît à moi totalement incompréhensible, c'est d'expliquer autrement que par la plus-value, la formation du profit. Et je crois que c'est là, précisément, au moment où le salarié est vendeur de sa force de travail, que réside l'exploitation. D'où l'expression souvent employée que Marx a donnée aux ouvriers, la science de leur misère. Une controverse surgit en économie politique. Les uns, Lauderdale, Malthus, etc., recommandent le luxe et Onis le désir d'économiser. Les autres, c'est Ricardo, etc., prônent l'esprit d'épargne et maudissent le luxe. Mais les premiers avouent qu'ils veulent le luxe pour produire le travail, c'est-à-dire l'épargne absolue. Les autres avouent qu'ils recommandent l'épargne pour produire la richesse, c'est-à-dire le luxe. Les premiers ont l'idée romantique que la cupidité ne doit pas, à elle seule, déterminer la consommation des riches. Et ils se mettent en contradiction avec leurs propres principes quand ils considèrent la prodigalité directement comme un moyen d'enrichissement. Alors, les seconds leur démontrent donc longuement et avec gravité que, par la prodigalité, ma fortune diminue au lieu d'augmenter. Les premiers ont l'hypocrisie de ne pas avouer que ce sont précisément le caprice et l'arbitraire qui déterminent la production. Ils oublient les besoins raffinés. Ils oublient que sans consommation, rien ne se produirait. Ils oublient que par la concurrence, la production doit sans cesse devenir plus diverse, plus luxueuse. Ils oublient qu'à leurs yeux, c'est l'usage qui détermine la valeur des objets et que c'est la mode qui détermine l'usage. Ils désirent que la production se limite aux objets utiles. Mais ils oublient que la production de trop d'objets utiles produit trop de populations inutiles. Des deux côtés, on oublie que la prodigalité et l'avarice, le luxe et le dénuement, la richesse et la pauvreté sont la même chose. Et ce n'est pas seulement avec tes sens élémentaires, le manger, etc., que tu dois être économe. Tu dois être également avare de ta pitié, de ta confiance, de ta participation aux intérêts généraux, etc., si tu veux être économe, si tu ne veux pas être une victime de tes illusions. Tout ce qui est tien, tu dois le rendre vénal, c'est-à-dire utile. Quand je demande à l'économiste, est-ce que j'obéis aux lois économiques quand je tire profit de l'abandon, de la vente de mon corps à la volupté étrangère ? Oui, en France, les ouvriers de fabrique appellent la prostitution de leurs femmes et de leurs filles la énième heure de travail, ce qui est littéralement vrai. Est-ce que j'agis à l'encontre des principes économiques en vendant mon ami aux Marocains ? Et la vente directe des hommes se pratique dans tous les pays civilisés sous forme de commerce de conscrits. Les économistes me répondent, tu n'agis pas contrairement à mes lois, mais vois un peu ce qu'en disent ma commère la morale et ma commère la religion. Non, ma morale et ma religion économico-politique n'ont rien à t'objecter, mais qui dois-je croire de préférence ? L'économie ou la morale ? La morale de l'économie politique, c'est le gain, le travail et l'économie, la sobriété. Mais l'économie politique me promet de satisfaire mes besoins. L'économie politique de la morale, c'est la bonne conscience, la vertu, etc., en abondance. Mais comment puis-je être vertueux si je ne suis pas ? Comment puis-je avoir une bonne conscience si je ne sais rien ? La nature de l'aliénation implique que toute sphère m'applique son critère particulier, en opposition aux autres, la morale ayant la sienne, de même que l'économie politique, parce que chacune est une aliénation particulière de l'homme, et que chacune fixe une sphère particulière de l'activité humaine aliénée, chacune opposant sa propre aliénation à celle de l'autre. La chronologie dont vous nous avez fait précéder le premier volume des œuvres de Marx dans la bibliothèque de la Pléiade nous présente l'image d'un Marx assez différente des portraits auxquels nous autres non-spécialistes sommes habitués. Cela est d'autant plus frappant que vous vous bornez, en somme, à établir des faits et à citer des textes, le plus souvent tirés de la correspondance de Marx, sans intervenir personnellement, à l'exception d'un ou deux cas, vous avez réussi à nous montrer Marx, l'homme et le penseur, tel qu'en lui-même, ce Marx qui, conscient de ses limites humaines, aimait à s'appliquer à lui-même le mot de Terence « Je suis homme, rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». Pourriez-vous, Maximilien Rubel, évoquer quelques traits humains, trop humains, de ce Marx auquel vous avez consacré un essai de biographie intellectuelle paru chez Rivière en 1958, où vous avez volontairement négligé ces aspects de votre héros. Puis-je vous demander de porter votre attention sur trois cas, trois épisodes de la carrière politique de Marx, où le penseur semble s'effacer devant le militant pour porter des jugements passionnels et, pourquoi ne pas le dire, partiaux, sur des adversaires qui pourtant se réclamait du même idéal que lui, l'émancipation de la classe ouvrière, Proudhon, Lassalle et Bakounine. Pour situer d'emblée le problème au niveau de ce qu'on pourrait appeler la psychologie élémentaire, de l'humain trop humain, qui vous intéresse, il serait aussi vain qu'absurde de nier que Marx ait pu éprouver un sentiment de jalousie envers les hommes que vous venez de nommer. Quoi de plus naturel, quoi de plus humain que ce sentiment chez un homme qui consacre presque tous les instants de sa vie, d'une vie que hante souvent le spectre de la misère la plus prolétarienne, qui sacrifie sa santé et le bonheur des siens à la cause de la classe la plus misérable et la plus nombreuse, pour parler comme Saint-Simon, et qui voit son œuvre méconnue ou incomprise, alors que autour de lui, la scène publique est occupée par des hommes qu'il estime dangereux pour la cause des travailleurs et qui pourtant récolte gloire et reconnaissance par des hommes qui font école. Mais, une fois que nous aurons fait la part de ce qui, chez Marx, comme chez tout être de chair et de nerfs, a dû influencer, voire fausser, ses jugements, nous verrons à propos de son attitude envers Bakounine que Marx pouvait éprouver une véritable phobie. Nous serons devant le vrai problème. Quelles sont, réduites à l'essentiel, les divergences théoriques et politiques qui séparent Marx de Proudhon, de Bakounine et de Lassalle, bien qu'ils aient tous milité dans le sein du même mouvement d'émancipation humaine. Je dis bien raison théorique et politique, car le problème est différent selon que nous envisageons le cas Marx-Proudhon, d'une part, et les cas Marx-Bakounine et Marx-Lassalle, d'autre part. Sur le plan de la théorie, on peut dire que Proudhon n'a pas cessé d'être, de son vivant, la hantise de Marx. Et après sa mort, sur le plan politique, en la personne de ses disciples, les proudhoniens de l'Internationale. Car contrairement à ce que l'on pense généralement, le débat théorique entre Marx et Proudhon ne commence ni ne finit avec la controverse de 1847, quand Marx, provoqué par son antagoniste, auteur de la philosophie de la misère, qui s'était déclaré prêt à accepter la férule de son critique, lui lance à la face son livre intitulé « Misère de la philosophie », où le savant et le philosophe le disputent aux pamphlétaires et aux politiques. Même après ce duel, et malgré le silence dédaigneux que Proudhon gardera toujours envers Marx, celui-ci continuera à lire tout ce que Proudhon publiera, et il sera souvent tenté de recommencer le geste de 1847 et de reprendre le combat théorique. Au demeurant, c'est après avoir lu l'opuscule du proudhonien Alfred Darimont de la réforme des banques paru en 1956 que Marx se mettra à écrire le premier chapitre de ce qui sera, 7 ans plus tard, son œuvre maîtresse, Le Capital. On date généralement la brouille entre Marx et Proudhon de la lettre de refus que ce dernier a envoyée au premier le 17 mai 1846 en réponse à l'invitation de se joindre à un groupe de socialistes dont Marx et Engels avaient pris l'initiative à Bruxelles, en vue de constituer un réseau international d'échanges d'informations et d'idées. Mais ce que l'on ignore, c'est que cette brouille, qui avait le caractère d'un conflit politique, n'était que la suite logique d'une confrontation intellectuelle antérieure qui eut lieu à Paris dans l'automne de 1844, quand Marx eut de longs entretiens philosophiques avec Proudhon, dont il tenait en très haute estime le mémoire sur la propriété publié en 1840. De cette admiration, qui n'allait pas sans une certaine note critique, Marx nous a laissé un témoignage très significatif dans son premier ouvrage de critique sociale et philosophique, écrit à Paris en 1844, La Sainte Famille. Pourriez-vous nous dire en quoi cette note critique vous semble préfigurer la future opposition fondamentale? Cette critique vise avant tout l'économiste Proudhon et moins le socialiste ou l'anarchiste. Car aux yeux de Marx, Proudhon reste enfermé dans le cercle vicieux des catégories de l'économie capitaliste, des institutions de la société bourgeoise. Alors que Proudhon a fait la critique immanente de la propriété privée, en demandant par exemple le rétablissement de la justice par l'égalité des échanges, Marx a choisi d'emblée un point de vue extérieur à l'économie politique. Il a adopté ce qu'il convient d'appeler une position de sociologue, pour qui l'économie politique comme telle fait partie intégrante du mode de production capitaliste dont elle est l'idéologie, autrement dit, la justification théorique. La critique de Marx vise le capitalisme comme un tout, comme un système social dans lequel les diverses catégories, autrement dit les diverses institutions, telles que propriété privée, valeur, argent, prix, état, ne sauraient être isolées dans la théorie et abolies dans la pratique par étapes successives. Aucune réforme intérieure, quelque importante que soit sa portée, ne saurait changer fondamentalement le système d'exploitation et d'aliénation que constitue l'économie capitaliste. D'ailleurs, Proudhon a bien vu ce qu'il opposait à Marx lorsque, dans sa lettre de refus déjà mentionnée, il définissait le problème social tel qu'il le voyait, dans les termes que voici, faire rentrer dans la société, par une combinaison économique, les richesses qui sont sorties de la société par une autre combinaison économique. Marx s'efforcera de démontrer qu'aucune combinaison économique, donc aucune réforme légale, ne peut supprimer l'esclavage du travailleur soumis aux lois du capital, autrement dit, les rapports sociaux créés par une économie fondée sur les profits. Le Capital de Marx est la démonstration scientifique de l'incompatibilité de la liberté humaine et du travail dans les conditions capitalistes. Vous avez publié dans votre édition de Marx, dans la Pléiade, une nouvelle version de l'article nécrologique que Marx écrivit pour un journal socialiste allemand peu après la mort de Proudhon. Y a-t-il, à votre avis, un changement dans la conception que Marx avait de son vieil adversaire? Il me semble que devant la dépouille de Proudhon, Marx a retrouvé la disposition d'esprit dans laquelle il se trouvait 20 ans auparavant à l'égard de l'auteur du mémoire sur la propriété. C'est presque le langage d'un disciple qui rend justice à son maître au moment suprême d'une séparation définitive. C'est que Marx ne s'attendait pas encore à la lutte qu'il devra mener dans l'international contre le sectarisme des Proudhoniens. Et puis, grâce à une confidence faite à Engels, nous savons que tels traits acérés envoyés à Proudhon sont destinés en réalité à un autre adversaire, lui aussi déjà disparu, mais dont les disciples sectaires menaçaient l'avenir du parti ouvrier en Allemagne. Cet autre adversaire, c'est Ferdinand Lassalle. Écoutons quelques passages de l'article de Marx. Cher monsieur, j'ai reçu hier une lettre où vous me demandez un jugement approfondi sur Proudhon. Faute de temps, je ne saurais répondre à votre désir. En outre, je n'ai sous la main aucun de ses écrits. Toutefois, pour vous montrer ma bonne volonté, je m'en vais jeter sur le papier un bref aperçu. Vous pourrez le parfaire par des additions ou des suppressions, en un mot, en faire ce que bon vous semblera. Je ne me rappelle plus les premiers essais de Proudhon. Son travail d'écolier sur la langue universelle prouve le saint-gène avec lequel il osait s'attaquer à des problèmes pour la solution desquels il manquait des connaissances les plus élémentaires. Qu'est-ce que la propriété, sa première œuvre, est sans conteste la meilleure. Elle fait époque, sinon par la nouveauté de son contenu, du moins par la manière nouvelle et hardie de dire des choses anciennes. Sans doute la propriété avait-elle été non seulement critiquée et diversement, mais aussi surmontée de manière utopique dans les écrits des socialistes et communistes français qu'il connaissait. Dans son écrit, Proudhon est à Saint-Simon et Fourier à peu près ce que Feuerbach est à Hegel. Comparé à Hegel, Feuerbach est bien pauvre. Pourtant, après Hegel, il fit époque, parce qu'il sut mettre en relief certains points peu agréables pour la conscience chrétienne et pour le progrès de la critique, mais que Hegel avait laissé dans un clair-obscur mystique. Le style de Proudhon y est encore, si je peux m'exprimer ainsi, fortement musclé, et j'y vois pour ma part la principale qualité de cette étude. On voit que, même quand il ne fait que redire l'ancien, il fait des découvertes originales, que ce qu'il dit était neuf pour lui et passe pour tel. L'audace provocante avec laquelle il porte la main sur le sanctuaire de l'économie politique, les paradoxes spirituels avec lesquels il raille la vulgarité de l'esprit bourgeois, ses jugements corrosifs, son ironie amère, qui, ça et là, laisse percer un sentiment de révolte profond et sincère contre l'infamie de l'ordre établi, son sérieux révolutionnaire, voilà ce qui électrise « Qu'est-ce que la propriété ?» et produit un choc dès sa parution. Il y a deux écrits de Proudhon qui, non seulement sont mauvais, mais qui peuvent être qualifiés de vilnis. Vilnis qui reflète parfaitement la vision du petit bourgeois. Le coup d'État, où il flirte avec Louis Bonaparte et s'évertue à le rendre acceptable aux ouvriers français, et son dernier libelle contre la Pologne, où, en l'honneur du tsar, il joue les cyniques en parfait crétin. On a souvent comparé Proudhon à Jean-Jacques Rousseau. Rien ne saurait être plus faux. Il ressemble plutôt à Nicolas Linguet, dont la théorie des lois civiles est au demeurant un livre vraiment génial. Proudhon avait un penchant naturel pour la dialectique, mais il n'a jamais compris la vraie dialectique scientifique. Il n'a réussi que dans le sophisme. En fait, la chose s'explique par la mentalité du petit bourgeois. Celui-ci, tout comme notre historiographe Raumer, n'est qu'un amas d'alternatives. Tel il se montre dans ses intérêts économiques et donc dans sa politique, ses conceptions religieuses, scientifiques et artistiques. Tel il est dans sa morale. Il est la contradiction fait homme. S'il est, comme Proudhon, un homme d'esprit, il saura bientôt jongler avec ses propres contradictions et les développer selon les circonstances en paradoxes frappants, tapageurs, tantôt scandaleux, tantôt brillants. Charlatanisme scientifique et opportunisme politique sont inséparables de cette attitude. Il ne reste plus qu'un seul mobile qui inspire l'individu, sa vanité. Comme tous les vaniteux, il ne recherche plus que le succès du moment, la sensation d'un jour. il en arrive fatalement à perdre ce simple tact moral qui éloigna un Rousseau, par exemple, de toute compromission, même apparente, avec les pouvoirs établis. Pour caractériser la société française dans sa phase la plus récente, la postérité dira peut-être que Louis Bonaparte en fut le Napoléon et Proudhon le Rousseau-Voltaire. Vous m'avez chargé d'un fardeau, jugé un mort, un homme qui vient à peine de disparaître. À vous maintenant d'en prendre la responsabilité. Votre tout dévoué, Karl Marx. Pourriez-vous nous dire maintenant quels sont, dans cette critique de Proudhon, les traits mordants qui, à travers personnes interposées, sont dirigés en fait contre Ferdinand Lassalle? Ce serait en même temps une occasion d'aborder le deuxième point de notre entretien, Marx et Lassalle. Le passage qui, à travers Proudhon, vise plutôt Lassalle, c'est précisément celui qui, vers la fin de l'article, s'en prend à l'homme qui est toute vanité. Aux dilettantes qui jouent les savants, aux politiciens opportunistes qui cherchent la réussite immédiate au point de pactiser avec les pouvoirs établis. C'est là, en quelques coups de pinceau rapide, le portrait de Lassalle, assez différent, on le voit, de celui de Proudhon. C'est Lassalle tel que Marx l'a vu et entendu à Londres en le recevant chez lui, en été 1862. Quelques semaines plus tard, Lassalle commencera cette carrière fulgurante qui coïncidera avec la résurrection du mouvement ouvrier en Allemagne. Ces entretiens londoniens ont révélé à Marx un Lassalle mégalomane, un être dévoré par des ambitions démesurées et qui, après s'être efforcé de ressembler à Hegel par sa dialectique et à Schiller par son théâtre, allait maintenant se donner le rôle de messie du prolétariat allemand. Messie toutefois peu scrupuleux, puisque, prenant des allures d'aristocrate, il cherchera l'alliance de Bismarck pour offrir à celui-ci l'appui du prolétariat allemand, surtout dans sa politique étrangère, en échange d'un cadeau problématique dont Lassalle attendait tout, le suffrage universel. Aux yeux de Marx, ce n'était pas seulement pécher contre la théorie du développement social, selon laquelle le prolétariat ne peut s'organiser en classe, ni se constituer en parti, que lorsque le terrain politique a été préparé par le triomphe de la bourgeoisie contre les réactions féodales. C'était, de ce fait même, un acte de trahison commis envers la classe ouvrière allemande. Écoutons quelques passages d'une lettre où Marx résume, 5 mois après la mort de Lassalle, son opinion sur son ancien ami et disciple. Tout d'abord, permettez-moi de vous exposer brièvement mes rapports avec Lassalle. Pendant toute son agitation, nos relations furent suspendues. Premièrement, à cause de ses fanfaronnades et de ses vantardises doublées du plagiat le plus éhonté de mes écrits. Deuxièmement, parce que je condamnais sa tactique politique. Et troisièmement, parce que je lui avais déclaré et démontré, encore, pendant son séjour à Londres, et donc avant même qu'il eût commencé son agitation, que c'était absurde de croire que l'État prussien pourrait directement exercer une action socialiste. Dans ses lettres, ainsi que dans nos rencontres personnelles, il s'était toujours déclaré adepte du parti que je représente. Mais dès qu'il se fut convaincu à Londres, fin 1862, qu'il ne pourrait poursuivre son petit jeu avec moi, il décida de se poser en dictateur des travailleurs contre moi et contre le vieux parti. Malgré tout, je reconnus ses mérites d'agitateur, quoique vers la fin de sa courte carrière, son agitation m'apparut sous un jour de plus en plus équivoque. Sa mort subite, notre vieille amitié, les lettres de deuil de la comtesse de Hatzfeld, ma répugnance pour l'insolence poltronne des feuilles bourgeoises envers celui qu'elles avaient tant redouté de son vivant, tout cela me détermina à publier une courte déclaration. Cependant, il s'avéra bientôt, et nous en eûmes la preuve, que Lassalle avait trahi, en fait, le parti. Il avait conclu un véritable contrat avec Bismarck, et naturellement sans en recevoir aucune garantie. Il devait se rendre à la fin de septembre 1864 à Hambourg pour y forcer Bismarck à procéder à l'annexion du Schleswig-Holstein, c'est-à-dire proclamer cette annexion au nom des ouvriers. En échange, Bismarck avait promis le suffrage universel et quelques charlataneries socialistes. Lassalle s'était engagé sur cette fausse route parce que c'était un politicien réaliste, mais de la plus grande envergure et avec des mobiles plus élevés. Lassalle voulait jouer au marquis Posa du prolétariat avec le Philippe II d'Uckermark, le roi de Prusse, et Bismarck devait servir d'entremetteur entre lui et la royauté prussienne. D'ailleurs, il ne faisait ainsi qu'imiter ces messieurs du Nationalverein. Mais tandis que ces derniers provoquèrent la réaction prussienne dans l'intérêt de la classe moyenne, Lassalle serra la main de Bismarck dans l'intérêt du prolétariat. Dans un sens, l'attitude de ces gens était plus justifiée que celle de La Salle, le bourgeois étant habitué en réaliste à ne considérer comme son intérêt le plus immédiat que celui qui se trouve le plus près du bout de son nez. En outre, cette classe a toujours, en fait, conclu un compromis, même avec la féodalité, tandis que la classe ouvrière, par la nature même des choses, doit être sincèrement révolutionnaire. Pour une nature théâtralement altière comme celle de La Salle, que des vêtis tels que poste, titre de bourgmestre, etc., ne pouvaient corrompre, c'était une pensée bien séduisante, une action directe en faveur du prolétariat réalisée par Ferdinand La Salle. En fait, il était trop ignorant des véritables conditions économiques d'une telle action pour pouvoir faire œuvre de critique envers lui-même. Dans l'un de vos propos du cahier que vous avez publié à l'Institut de sciences économiques appliquées, et qui est entièrement consacré à la Première Internationale ouvrière, vous évoquez les rapports entre Marx et Bakounine. Vous y faites allusion aux étranges phobies et qu'ils nourrissaient l'un contre l'autre. Diriez-vous, comme le font certains biographes et commentateurs, que le conflit Marx-Bakounine puisse être réduit à un heurt entre tempéraments opposés, voire à des antipathies raciales? Cette opinion est celle-là même que Bakounine s'obstinait à accréditer auprès de ses amis, en même temps qu'il ne cachait pas son admiration pour Marx, théoricien du socialisme, pour Marx, l'homme d'une fidélité éprouvée à la cause commune. Ce qui nous rend le jugement de Bakounine sur la prétendue attitude autoritaire de Marx très suspect, c'est qu'il visait surtout les Juifs et l'Allemand qu'il était à ses yeux. Dans son éloge de Marx, Bakounine dépasse les disciples les plus marxistes du maître admiré. Et dans ses invectives contre Marx, il anticipe les porte-paroles de l'antijudaïsme le plus vulgaire que nous ayons connu au XXe siècle. Quant à l'inimitié que Marx éprouvait pour Bakounine, elle a certes elle aussi un côté irrationnel, mais cette impulsion qui porte Marx à suspecter, voire détester tout ce qui est russe, tout au moins jusqu'au moment où il conçoit une meilleure idée du mouvement révolutionnaire dans la Russie tsariste, s'accompagne chez lui d'une conscience lucide des dangers que les activités conspiratrices de Bakounine faisaient virtuellement courir à l'international. Il est toutefois probable que les sentiments russophobes de Marx l'ont poussé à exagérer ces dangers et à attribuer à Bakounine un rôle que celui-ci était en réalité incapable de jouer. C'est cet excès dans la suspicion qui a fait commettre à Marx le péché qu'il a su si bien dénoncer chez ses antagonistes, le péché du sectarisme. Mais même si l'on considère que l'expulsion de Bakounine au congrès de La Haye fut l'opération d'une secte, comme on disait alors de la coterie marxiste, il reste qu'à travers les personnalités de Marx et de Bakounine s'affrontent deux conceptions, voire deux méthodes foncièrement opposées de la lutte ouvrière. Dans ce conflit, c'est le problème du mouvement ouvrier dans son ensemble qui semble être posé. Le passage de l'action isolée, dispersée, sporadique, explosive, conspiratrice, à la lutte massive, coordonnée, consciente, organisée à la fois dans les partis ouvriers et dans les syndicats ouvriers, voilà qui était aux yeux de Marx le sens même du mouvement ouvrier moderne, dont il se croyait appelé à jeter le fondement théorique. Bakounine a eu l'honnêteté de reconnaître cette supériorité intellectuelle de Marx, tout en restant fidèle à l'habitude romantique de penser le mouvement ouvrier en termes de conspiration et de coups de main. Mais il faut reconnaître que Bakounine a anticipé, dans ses critiques d'un certain comportement de Marx, les accusations que l'on a pu porter au XXe siècle contre la méthode politique qui se réclame du marxisme. Sa lucidité à cet égard équivaut à celle dont a fait preuve son maître et adversaire quand celui-ci a dit « Ce qu'il y a de certain, c'est que moi, je ne suis pas marxiste. » Nous demanderons maintenant, et pour terminer cette émission, à Ernest Labrousse de présider et de diriger le débat qui réunit ici Jean Métron, Jacques Rougerie et Henri Burgelin sur la formation et l'histoire de la Première Internationale, l'Association internationale des travailleurs, dont nous commémorons ainsi le centenaire. Il y a 100 ans, la Première Internationale commençait. Et ce centenaire a fait rentrer l'Internationale dans la grande actualité scientifique. C'est dans ces conditions qu'un colloque a été organisé à Paris sous les auspices du Centre National de la Recherche, il y a de cela à peine quelques mois. Et ce colloque était organisé par le Comité International des Sciences Historiques. Ce n'était donc pas de l'histoire de partisans. C'était, si je peux dire, une histoire très technicienne et des historiens professionnels qui se sont, je ne dis pas affrontés, mais juxtaposés face à des thèmes communs au cours de plusieurs journées d'études. Ce fut en un mot la rencontre de l'Internationale des historiens et de l'Internationale des travailleurs. La première rencontre de ce type à cet égard, nous avons inauguré. L'inauguration n'a pas été peut-être trop décevante. Tous les grands pays du monde avaient déposé des rapports. Et j'entends d'ailleurs, par pays ayant déposé des rapports, des pays qui déjà, au temps de l'Internationale, avaient eu des rapports, avaient eu des sections, membres de l'association. 22 rapports en tout. Et je peux dire, devant nous, enfin un écoumène assez large, de l'Espagne et de l'Italie jusqu'à la Suède, et des États-Unis à l'URSS. Le caractère scientifique du colloque ne s'est jamais démenti. Et il a fait sur certains thèmes le bilan de nos connaissances. Il est allé plus avant sur d'autres. Il a apporté du neuf. À vrai dire, nous étions partis des sources. Des sources, c'est-à-dire des sources imprimées, qui, comme on le sait, en matière d'histoire des partis ouvriers, jouent toujours un rôle considérable. C'est dans les journaux. C'est dans les brochures, c'est dans les affiches de l'époque, c'est dans l'immense actualité imprimée vivante que nous tirons l'essentiel de notre matière. Mais il y a aussi des archives manuscrites considérables et qui, pour ce colloque, ont été empruntées aux plus grands fonds internationaux d'histoire ouvrière. Il s'agit, avant tout, de l'Institut international d'Amsterdam, héritier des archives de la social-démocratie allemande, et par là même, héritier des archives de Marx Engels. Il s'agit de l'extraordinaire institut du marxisme-léninisme de Moscou. Je dis extraordinaire car il est né dans des conditions extraordinaires, et il a accumulé une information de dimension considérable. Et enfin, un autre institut international, celui-là italien, l'Institut Feltrinelli, nous a apporté aussi le trésor de ses sources. Les thèmes, ceux que l'on pouvait attendre, c'est-à-dire l'international en tant que lien entre les travailleurs des diverses nations. D'autre part, et c'est peut-être ce côté que le plus neuf a été trouvé, que le plus neuf a été apporté, les sections nationales de l'international. On les ignorait ou on les connaissait mal. Il fallait avant tout apprécier leur consistance, leur action, leur réalité. À cet égard, beaucoup nous a été donné. Et puis enfin, il y avait le grand thème, et qui aujourd'hui nous préoccupe tout particulièrement, le grand thème de l'influence marxiste, de l'influence bakouninienne. Celui-là aussi a été très utilement évoqué. Vous le voyez, l'objectif de nos débats, c'est finalement la connaissance historique. Je suis heureux de demander tout de suite à mon ami Jean Maitron, maître assistant à la faculté des lettres, secrétaire général de l'Institut français d'histoire sociale et du mouvement social qui est la revue de l'Institut, de vouloir bien nous dire comment naquit cet international. Je dirais un mot, peut-être, de la préhistoire de l'international. Sans entrer dans de trop grands détails, on peut et on doit, je crois, rappeler qu'un certain nombre de comités se sont formés à différentes reprises pour tenter de jeter les bases d'une internationale. Bon, je rappellerai donc l'existence d'un certain nombre de comités et notamment de deux d'entre eux, parce qu'ils sont à certains égards demeurés célèbres, disons la Ligue des communistes, puisque tenant son congrès à Londres, elle demanda à Marx et à Engels d'écrire, d'un point de vue théorique, ce qu'elle représentait, et ils donnèrent le manifeste communiste. Mais il y eut un autre comité qui également marqua celui qui dura de 1854 à 1859, dénommé le Comité international permanent, et qui, le 27 février 1854, tint une réunion à Londres, aussi curieux que cela puisse paraître, en ce même lieu où la première internationale allait être fondée 10 ans plus tard. Eh bien, dans une certaine mesure, ces comités annoncent cette fondation. Ils annoncent cette union internationale des classes ouvrières que l'on veut réaliser. Ils annoncent même, dans une certaine mesure, sa fin, puisque donc ce comité international permanent se trouve déjà des négateurs de toute autorité, en somme, des bakouninistes avant le mot et avant l'homme. Mais pourquoi n'ont-ils pas réussi? Eh bien, pour reprendre le mot d'Herzen à cette réunion du 27 février 1854 à laquelle je faisais allusion, ces comités représentaient des proscrits, ils représentaient les débris de tous les orages européens. L'AIT, au contraire, l'Association internationale des travailleurs qui sera créée en 1864. Selon le mot de Marx dans une lettre à Bolt en novembre 71, elle est fondée pour mettre à la place des sectes socialistes ou semi-socialistes l'organisation réelle de la classe ouvrière. Et alors, pourquoi est-ce que, en 1864, la chose devint possible? Je pense qu'il y a eu là essentiellement un changement profond et en Angleterre et en France. En Angleterre, d'abord, c'est vers 1858 qu'on peut dire que naît un mouvement ouvrier moderne, les grèves du bâtiment, la lutte pour une diminution du temps de travail, tout cela entraîne la constitution de syndicats puissants. On est fondé la London Trade Council, dont le secrétaire est Todger, qui justement sera le premier président de l'international. Et ces Anglais ont avant tout pour préoccupation la défense des conditions ouvrières, aussi bien du point de vue salaire que du point de vue temps de travail. Ils craignent la concurrence française, la concurrence belge, la concurrence allemande, et notamment, ils se trouvent à se tourner vers les Français, parce que les Français, à cette même époque, vers 1860, eux aussi, par suite des conditions particulières de la France, songent également à s'organiser librement, se tournent vers l'association et demandent conseil à leurs camarades anglais. De cette rencontre, peut-on dire, en somme franco-anglaise, naît l'international, qui, pour reprendre l'expression bien connue de Bibal, est née dans les ateliers de Paris et a été mise en nourrice à Londres. Alors prenons la fondation proprement dite, disons la période d'abord 62-64. 62 d'abord, cette exposition universelle qui voit se grouper à Londres un certain nombre d'ouvriers français. Ils viennent au nombre de 200, je crois, avec comme secrétaire Tollin. Ils sont envoyés d'ailleurs par le gouvernement. Mais au cours d'une fête qui a lieu le 5 août, les Anglais les reçoivent et, dans une adresse, évoquent des moyens internationaux de communication. Les Français répondent « D'accord, nous voulons organiser des comités ouvriers pour l'échange et la correspondance sur les questions internationales intéressant l'industrie. » Tollin revient l'année suivante, en 1863, pour un meeting en faveur de la Pologne. Et au cours d'un de ces meetings, c'est Todger, dont nous avons déjà parlé, qui préconise un congrès, qui préconise une étude du capitalisme et qui préconise des moyens très pratiques, au fond, pour empêcher la concurrence d'un pays à l'autre, des ouvriers non organisés et qui risquent de nuire aux travailleurs anglais. Et c'est l'année suivante, en 1864, et plus précisément le 28 septembre, que les Français, encore une fois invités pour assister à un meeting en faveur de la Pologne, Pologne vaincue, 3 Français notoires, premier fondateur de l'international, peut-on dire, le ciseleur Tollin, l'ouvrier bronzier Perrachon et Limousin, le passementier, viennent assister à cette réunion, à ce meeting de St. Martin's Hall. C'est en effet à ce meeting de St. Martin's Hall qu'a été formé le premier conseil général, c'est-à-dire le premier centre de l'Association internationale des travailleurs. Ici, d'ailleurs, il faut bien dire que c'est M. Burgelin qui parle. M. Burgelin qui parle des travaux qu'il a en préparation par tout ce qu'il nous a donné déjà sur le conseil général de l'internationale. Et celui qui connaît le mieux de nous tous, ses liaisons internationales. Ce conseil général provisoire a été désigné par le meeting de St. Martin's Hall et il est provisoire parce qu'il doit durer seulement jusqu'au prochain congrès de l'association qui doit avoir lieu à Bruxelles en 1865. En réalité, ce congrès n'aura pas lieu et le conseil général provisoire durera jusqu'au premier congrès, celui de Genève en 1866. Un certain nombre de membres du conseil général ont été nommés. Mais ces membres avaient le droit de coopter d'autres membres, et ce droit de cooptation a permis au Conseil général de s'étendre très vite. Il a une cinquantaine de membres au départ, et le nombre de ses membres s'accroît, et il aboutit jusqu'à la centaine. Le siège du Conseil général est à Londres, et Marx est un des membres de ce Conseil. Il y jouera le rôle de secrétaire pour l'Allemagne. Il en a toujours refusé la présidence, ceci pour ne pas se mettre en avant, peut-être à cause d'une certaine modestie, peut-être aussi pour éviter de se trouver au centre des luttes entre les ouvriers. Néanmoins, son influence est considérable sur le Conseil général. Le système de la cooptation lui permet de faire venir un certain nombre de ses amis dans ce groupe. Et sa supériorité intellectuelle lui permet de dominer ce conseil. Il comprend le bureau de l'association, qui est le comité permanent de l'international, qui est élu par le congrès. Il comprend des secrétaires particuliers pour chacun des pays membres, et Marx joue ce rôle pour l'Allemagne, Engels jouera ce rôle pour l'Italie et pour l'Espagne, Dupont et Serraillé joueront tour à tour ce rôle en ce qui concerne la France. Il y a une certaine ambiguïté dans les statuts de l'Association internationale des travailleurs. Le texte français des statuts met l'accent sur un rôle de coordination attribué au Conseil général. Le texte original de Marx, au contraire, met l'accent sur un aspect plus autoritaire du Conseil général, qui est une véritable direction du mouvement. En fait, tout cela est un peu de la théorie, dans la mesure où les sections nationales, dès qu'elles vont exister, et quelles qu'elles soient françaises, qu'elles soient espagnoles, qu'elles soient belges ou qu'elles soient anglaises, n'accepteront pas ou n'accepteront guère la direction du Conseil général. Merci à notre ami Rougerie de cette initiative d'intervention. Vous savez que Rougerie prépare une thèse très importante, la première thèse qui va nous donner l'histoire de la Commune. L'internationale française, en effet, a toujours été, au fond, la plus rétive à l'autorité du Conseil général. Dès ses débuts, dès 1865, puisque la section de Paris s'est créée en janvier 1865, alors qu'elle n'est encore que très peu de choses, elle prétendait avoir sa politique propre au sein de l'international, et peu à peu d'ailleurs, elle a prétendu également l'imposer. Les premiers travailleurs français étaient des proudhoniens, et ces proudhoniens n'étaient guère disposés à s'entendre avec un conseil général où, au fond, chacun le reconnaît aujourd'hui, l'influence de Marx était prédominante. Les véritables problèmes concernant l'international en France vont commencer à se poser à partir de l'année 1869. À ce moment, les proudhoniens ont été, par la force des choses, écartés de la direction de l'international. Et surtout, une très grande nouveauté se produit dans le mouvement ouvrier français, identique alors aux sections de l'international. Une évolution vers des formes tout à fait nouvelles, vers des formes tout à fait syndicales. Des sociétés de résistance, c'est le terme qu'on utilise à ce moment-là, se créent dans les principales corporations ouvrières des plus grandes villes de France. Ce sont de véritables syndicats qui pratiquent la lutte économique quotidienne. Ces sociétés de résistance sont de plus en plus nombreuses et qu'ensuite elles se fédèrent, c'est leur trait le plus original, par ville, elles sont en somme de ce fait les ancêtres de nos futures bourses du travail et ces fédérations urbaines portent le nom de chambre fédérale des sociétés ouvrières. Le mot de fédération est donc à ce moment-là dans le titre. un syndicalisme très important, c'est le premier syndicalisme français, et un syndicalisme qui vire assez rapidement au véritable socialisme. Ce syndicalisme n'en reste pas à un stade purement réformiste. Socialiste en ce sens, par exemple, qu'il vise à ce qu'on appellera plus tard, ou ce que Marx appelle déjà, l'appropriation collective des moyens de production. Syndicalisme aussi qui est socialisme en ce sens qu'il prétend faire de la politique et aux élections de 1869, en 1870, et on retrouvera ce trait sous la Commune, les syndicaux, les syndicalistes français déclarent déjà qu'il est indispensable, et c'est un effet de l'oppression que leur impose le Second Empire, déclarent déjà qu'il est indispensable de faire disparaître les formes oppressives de l'État. Par exemple, l'armée permanente, la police, également toutes les formes d'oppression religieuse, ce sont des thèmes, nous le savons, que Marx reprendra assez longuement dans sa guerre civile au lendemain de la Commune. Leur but final est indubitablement la révolution, et une révolution qui fera disparaître l'État et qui mettra au pouvoir, à la direction politique et aussi à la direction des choses économiques, les syndicats. Ce sera en somme le non-État des syndicats. Alors là-dedans, au fond, se pose bien sûr le problème de l'influence que peut avoir Marx sur ce mouvement français, et c'est le problème auquel nous revenons. Influence certainement pas directe. Marx n'a guère eu de contact avec le mouvement ouvrier français, et les conseils que pouvait donner le Conseil général n'étaient guère en France écoutés. Mais il se trouve, et je crois que c'est le point sur lequel on peut insister, il se trouve que l'évolution française, au fond, va exactement dans le sens qu'attend Marx, ce sens que Marx a défini dès 1864 dans un texte dont Burgelin n'a pas parlé mais qui a une grande importance, la fameuse adresse inaugurale de l'International qui, au milieu de divers thèmes, montre déjà que la force des ouvriers, c'est leur nombre, que ce nombre doit être organisé, cette organisation, c'est le syndicalisme, et que ce nombre organisé finira par l'emporter sur l'oppression sociale, par conséquent, par faire triompher la révolution sociale. Oui, mais dans le texte de l'adresse inaugurale, on trouve aussi un autre aspect de la pensée de Marx, dans les dernières phrases de l'adresse inaugurale, l'idée que le mouvement ouvrier n'a pas seulement une raison d'être syndicale, mais une raison d'être politique. Il s'agit de s'opposer par tous les moyens à la politique étrangère des gouvernements, de faire triompher la morale et la justice entre les peuples comme entre les individus, et de s'unir pour les faire respecter. Cette lutte fait partie, dit l'adresse inaugurale de Marx, de la lutte pour l'émancipation de la classe ouvrière, au même degré que la lutte syndicale. Interrogeons-nous par exemple sur le bilan que Marx tire de la Commune, et qui est au fond un point final mis à toute une période du mouvement ouvrier. Elle apporte, et il le dit dans la guerre civile, un fait nouveau que la révolution devra se traduire désormais par l'abolition de l'État. La dictature du prolétariat sera l'abolition de l'État. Mais il y a aussi un autre point sur lequel, je crois, Marx insiste et qu'on n'a pas suffisamment souligné, c'est que la Commune a été l'échec de la vieille forme de révolution, l'échec de la forme de révolution jacobine, ou alors blanquiste, et jacobins et blanquistes sont nombreux dans la Commune, l'échec de la minorité agissante qui peut s'emparer de l'État et par une dictature terroriste le plus souvent, imposer ensuite la voie vers le socialisme, la Commune, au fond, je le crois, pour Marx a montré que c'était une voie dont il fallait indubitablement s'écarter. Et au terme, alors, de cette période de 1871, je pense que Marx en est revenu à cette idée que l'essentiel était d'organiser la classe ouvrière et de refuser toute forme de révolution prématurée, comme celle que visaient les blanquistes ou comme celle que visent les bakouninistes. Avant la Commune, il y a eu la guerre des 70, et Marx est la guerre des 70. Alors, Rougerie. Et la Commune est fille, d'ailleurs, de la guerre de 1870. Eh bien, Marx et la guerre de 70... Les choses sont claires, bien que doubles. Pour Marx, c'est une guerre juste que cette guerre de 70, du côté allemand. Jusqu'au 4 septembre. Ne parlons pas de chauvinisme pan-allemand de la part de Marx, c'est une guerre juste parce que c'est une guerre défensive. Et jusqu'au 4 septembre, en effet, car à partir du 4 septembre, la guerre allemande, la guerre menée par l'Allemagne, devient une guerre agressive. Alors se pose le fait de la revendication par l'Allemagne de l'Alsace-Lorraine, d'une part, se pose d'autre part aussi le fait que la France a maintenant une république. Alors que doit faire guerre le prolétariat allemand face à cette République française toute nouvellement née. Les socialistes allemands, sur le conseil de Marx, ont manifesté leur opposition à la politique conduite par Bismarck, et en particulier le comité de l'Internationale à Braunschweig a fait un manifeste, le manifeste de Braunschweig, qui exprime cette opposition du mouvement ouvrier allemand à la continuation de la guerre et à l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine. Bismarck a fait arrêter les chefs du mouvement ouvrier allemand, les rédacteurs du manifeste de Braunschweig, et ils ont fini la guerre en prison, ce qui a étouffé la résistance du prolétariat allemand. Il y a eu néanmoins un certain nombre de manifestations de rue même dans plusieurs villes allemandes à ce propos. Quelques-uns des socialistes allemands se sont mieux conduits que les internationaux français, car les internationaux français ont le 12 juillet lancé une magnifique proclamation contre la guerre dynastique, et en cela ils retrouvaient les positions des Allemands, mais ensuite, et ceci par la force des choses, ils ont viré assez rapidement au pur et simple chauvinisme. L'Allemand était redevenu l'ennemi de toujours, l'ennemi national. Alors, que reste-t-il en 1871, au lendemain de la Commune? Eh bien, ce fait que la seule organisation possible, c'est le mode que propose l'Internationale en Allemagne. Plus exactement, le mouvement ouvrier allemand qui a déjà cette organisation de type très moderne, le parti. Et c'est en somme à la conférence de Londres de 1871 de l'Internationale que Marx va faire triompher la conception du parti. En effet, la conférence de Londres est réunie en 1871. En réalité, Marx n'a pas pu réunir un congrès cette année-là. D'une part, pour des raisons extérieures, l'Internationale est pourchassée par toutes les polices d'Europe. Et aussi peut-être parce qu'il espérait avoir dans une conférence restreinte une majorité mieux assurée qu'il ne l'aurait eu dans un congrès général. Marx a fabriqué sa majorité. Certainement, beaucoup des membres de la conférence de Londres sont des membres du Conseil général et c'est lui qui les a désignés. Il assigne à cette conférence, je crois, trois buts. Premier but, d'organiser l'Internationale pour en faire un parti organisé. Il s'agit de donner au Conseil général plus d'autorité qu'il n'en avait jusque-là et d'en faire la direction du mouvement ouvrier et non pas seulement, comme le voulaient certains des adversaires de Marx, une boîte aux lettres entre les mouvements nationaux. En second lieu, Marx visait à donner à ce mouvement une idéologie nettement révolutionnaire et à épurer le Conseil général, à épurer l'Internationale des éléments qui n'étaient pas révolutionnaires. Et en troisième lieu, il désirait épurer le Conseil général des éléments anarchistes qui jouent un rôle de plus en plus important à cette époque grâce à l'activité que déploie Bakounine en Suisse et par la Suisse en Italie, en Espagne et dont l'influence se fait sentir également en Belgique et en France. Marx avait trop bien préparé sa conférence, il y avait trop peu d'opposition, alors que dans l'ensemble du mouvement ouvrier international, l'opposition restait très forte. Et même ceux qui ont voté en faveur des propositions de Marx n'ont pas toujours compris de quoi il s'agissait. Et au retour de ces délégués dans leur pays, il y a eu un tollé contre les décisions de la conférence de Londres que nous retrouvons en Espagne, en Italie, chez les Belges, en Suisse et en Belgique. Il est probable que les motifs de ces oppositions étaient différents. Certains étaient simplement soucieux de garder leur autonomie nationale. C'est, je crois, le cas des Belges. Dans d'autres cas, l'influence d'une opposition concertée, de l'influence des amis de Bakounine, est considérable. Et cette société secrète dont Bakounine est le fondateur et le chef prépare et organise cette résistance qui va s'exprimer l'année suivante à la conférence de La Haye. L'important... Il faut bien dire d'ailleurs que nous sommes ici presque à la fin de l'Internationale. Nous sommes à la veille de la conférence de La Haye. La conférence de La Haye va avoir lieu en 1872, n'est-ce pas? Et ensuite, l'Internationale va être déportée à New York. C'est donc la fin, si nous pouvons dire, de la grande association. Je ne veux pas dire que l'Internationale soit morte avec la Commune, mais enfin, ça n'est plus l'association grandissante que l'on a connue auparavant. Le seul fait qu'il déplace le siège de l'Internationale et qu'il emplace l'Internationale aux États-Unis montre bien qu'en 1872, Marx ne croyait plus à l'avenir de la grande association. Oui, il préserve, c'est entendu, il laisse intacte la possibilité de la constitution d'un parti international. Mais en fait, ce qui reste fondamentalement de cette première internationale au moment où elle se disloque, est-ce que ce n'est pas bien plus un début de conscience nationale ouvrière que de conscience internationale? Est-ce que, au cours de la première internationale, nous n'assistons pas précisément par l'éclat, par le prestige de l'association créée en 1864, un encouragement aux prises de conscience dans le cadre national. Mais pouvons-nous parler d'une conscience internationale prolétarienne née au cours de ces années? Je ne le crois pas, en effet, et je crois que la raison en est dans les guerres nationales qui se sont déroulées aux alentours de 1876 et 1870. Eh oui, et on ne réussira pas beaucoup plus en 1914. Dans la difficulté aussi qu'il y a à toute classe ouvrière à être vraiment internationaliste. C'est au fond la chose la plus difficile du monde. Oui, mais le traité de commerce franco-anglais de 1860 avait préparé l'international. Chers amis, ne demandez pas tout et exclusivement à la classe ouvrière. L'internationalisme est aussi difficile chez les uns que chez les autres. Imaginez par exemple que vous puissiez reconstituer l'histoire de ce sentiment international à une échelle de masse. Croyez-vous que vous ne le trouvez pas malgré tout davantage, et si difficile qu'en soit la formation, au sein de la classe ouvrière, qu'au sein, par exemple, des autres éléments qui constituent l'unité nationale? Certainement, et peut-être davantage au sein de la première internationale, qui a laissé un beau, un magnifique souvenir, mais au sein de la première internationale, parce qu'à ce moment, il était plus facile d'être internationaliste, étant donné que les prolétariats nationaux n'avaient pas encore conscience d'eux-mêmes. C'est plus tard. Oui, d'accord. L'internationalisme ouvrier, c'est le premier de la prise de conscience internationale. Mais cette prise de conscience, même au sein de la classe ouvrière, où il était plus avancé qu'ailleurs, ça ne représente pas grand-chose à l'époque de la création de la première internationale. C'est très difficile à observer. On observe beaucoup plus facilement les faits de nationalisme, et même souvent les faits de chauvinisme au moment de la guerre, que l'internationalisme. Mais tout de même, l'international a existé. En 1883, au moment de la mort de Marx, dans toute la presse, nous verrons commenter la nouvelle de cette mort. C'est que le marxisme apparaît bien, non seulement comme une voie, mais comme une voie où Marx est situé. Marx n'apparaît pas comme l'homme de la première internationale, encore en 1871 et au lendemain de la Commune. 10 ans plus tard, au contraire, il est connu et il est universellement présenté comme tel. Prenez par exemple les nécrologies publiées sur Marx. Et ce serait une très belle étude que celle de voir comment la France, comment le monde ont appris la mort de Marx. En France, en tout cas, les choses sont nettes. Premièrement, c'est un très grand économiste, oh, avec d'ailleurs des tas de fantaisies. Mais on ne comprenait guère, qu'on ne disait guère. Oui, mais c'est un des plus grands économistes, non seulement dans le style socialiste, mais aussi dans le style classique. Cela est dit formellement. Et puis aussi le chef de l'international. Il y a en somme deux personnages dans Marx à cette époque. L'auteur du Capital, désormais connu. Mais la première traduction ne paraîtra qu'après la Commune, en livraison. Et c'est simplement petit à petit que va s'infiltrer dans le public français la littérature marxiste. Et puis aussi, alors, l'homme de l'international. Cela, c'est très visible, par exemple, en 1883, où nous voyons bien comment se présente devant le public français le personnage de Marx, sous cette double forme. Alors comment expliquer cela? Eh bien, c'est que dans l'intervalle, il y avait eu tout simplement l'introduction du marxisme en France, et notamment par les guédistes, qui ont été d'admirables pédagogues du marxisme, bien sûr ensuite durcis, sclérosés dans leur attitude de pédagogue. Ils ont fait des schémas, ils ont introduit une doctrine toute nouvelle, et pas tellement facile. Vous savez qu'il y a une trentaine d'années encore, on parlait du marxisme comme d'un vrai casse-tête. Alors il fallait introduire ça en France. On l'a fait en le simplifiant. On a eu tort ensuite de rester dans les simplifications. Mais enfin, il n'est pas douteux que Marx, connu, révélé aux Français, l'a été par Jules Guesde et par l'extraordinaire équipe groupée autour de lui. Il ne faut pas oublier d'ailleurs Paul Lafargue, un des gendres de Marx. J'en dirais pas autant d'ailleurs de l'autre gendre, Charles Longuet, qui n'était guère marxiste. Mais enfin, il y a eu le petit-fils, Jean Longuet, qui lui l'a été, et à qui nous devons d'importantes études sur la politique internationale du marxisme, si prévenu qu'en soit l'esprit, si systématiquement socialiste qu'il y apparaisse. Au total, la prise de conscience française de Marx et du marxisme, la représentation du personnage de Marx et l'implantation au premier plan dans l'histoire, c'est arrivé après 1876, après le premier congrès ouvrier, quand prend corps et se développe en France la propagande marxiste. N'oublions pas quand même que Marx n'a été connu, révélé à la France, que par une école socialiste. Étroite, c'est entendu, mais à cette époque pleine d'une nouveauté extraordinaire, porteur, enfin il faut bien le dire, de textes d'un extraordinaire retentissement. Et c'est dans leur petit journal, dans l'Égalité d'ailleurs, que souvent en fait-on, nous voyons apparaître ces textes, disons-le, immortels. Écrite en 1871 par Eugène Potier, l'International a été mise en musique par le compositeur ouvrier Pierre de Jeter en 1888 et exécutée pour la première fois par une chorale à Lille le 23 juillet 1888. Potier avait 55 ans en 1871. Il était membre de la Commune et de l'Internationale. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la France. La raison parlant son cratère, c'est l'éruption de la France. Du passé, présentant de base, pour l'esclave, le monde, le monde. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tous. France Culture vient de vous présenter Analyse spectrale de l'Occident. Aujourd'hui, Karl Marx par Serge Jouet. Avec Louis Althusser, Jean Bruat, Jean Fourastier, Maximilien Rubel, Ernest Labrousse, Jean Métron, Jacques Rougerie, Henri Burgelin. Texte de Karl Marx, dit par Michel Etcheverry et Robert Martin. Cette émission a été diffusée la première fois le 6 mars 1965 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr. Vou danado pra cá tende, vou danado pra cá tende, vou danado pra cá tende com vontade de chegar. Lá vai o trem com o menino. Lá vai a vida rodar, lá vai ciranda e destino, cidade noite a girar. Lá vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar, correndo vai pela terra. Vai pela serra, vai pelo mar, cantando pela serra do luar, correndo entre as estrelas a voar, no ar, no ar. Vou danado pra Catende, vou danado pra Catende, vou danado pra Catende com vontade de chegar. Mergulham mocambos nos mangues molhados, moleques mulatos vêm vê-lo passar. Adeus, adeus, mangueiras, coqueiros, cajueiros em flor, cajueiros com frutos já bons de chupar. Adeus, morena do cabelo cacheado, vou danado pra cá tende, vou danado pra cá tende, vou danado pra cá tende com vontade de chegar. Cana caiana, cana roxa, cana fita, cada qual é mais bonita, todas boas de chupar. Vou danado pra Catende, vou danado pra Catende, vou danado pra Catende com vontade de chegar. Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar, lá vai ciranda e destino, cidade noite a girar. Lá vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar. Correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar, cantando pela serra do luar, correndo entre as estrelas a voar, no ar, no ar.